Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. Il ne s'arrête pas de neiger ces derniers temps dans la région. Les rues de Gotham finissent bien vite sous la poudreuse, même avec tout le personnel de la mairie de sortie. Alors imaginez l'état du quartier en quarantaine dans lequel vous passez le plus clair de votre temps. Nous sommes au lendemain de votre petite visite à Robinson Park, où vous avez pu avoir un aperçu des forces adverses contre lesquelles Milo, le serbe du quartier slave, vous a lancé en échange d'informations juteuses sur Voka, l'homme de The Whale qui vous charge des noises. Il est temps de faire vos preuves. Êtes-vous des petits joueurs aux yeux plus gros que le ventre, ou avez-vous vraiment les tripes nécessaires au métier? Méritez-vous vraiment mon investissement? C'est à vous de me le dire. Comment vous êtes-vous préparé, et que voulez-vous faire aujourd'hui? Alors déjà, bon moi, le côté, on va dire, guerrier offensif est prêt, puisque on va dire que j'ai été acheté treillis, tenue de chasse, ce genre de choses, pour être bien paré, bien camouflé, tout ça, et que donc on a préparé l'équipement de façon à ce que tout, enfin j'ai préparé l'équipement de façon à ce que tout le monde soit armé jusqu'aux dents, du moins en termes d'armes à feu. Suite à nos récents achats, voilà. Et donc, personnellement, j'ai pris treillis et camouflage, ce genre de choses. Puis si jamais quelqu'un en veut, je lui en ai pris aussi. Quelques tenues de rechange, on sait jamais. Voilà. Honnêtement, le tout, c'est surtout de savoir. De bien se mettre d'accord sur jusqu'où on peut aller dans notre intervention. Savoir est-ce qu'on va être ok qu'on tue des gens. Parce que ça peut arriver. Est-ce que tout le monde est ok avec ça? Il y en a peut-être qui n'ont jamais tué. Voilà, et qu'on ne parte pas surtout dans des trucs improvisés ou que ça parte. Enfin, au maximum, quoi. Si vraiment. On perd pied, on fait comme on peut, mais qu'on essaye un maximum de rester dans ce qu'on a prévu de faire. Parce que sinon, ça. Par connaissance personnelle, on va dire, d'expérience, je sais ce que c'est qu'un plan qui tourne mal. Mais voilà. C'est important qu'on arrive à se mettre d'accord et qu'on essaye de rester un maximum sur ce qu'on a dit, sur ce qu'on a prévu de faire. Bon, après, moi, j'ai mon flingue que m'a donné Marco. Et puis, j'attends le moment qu'on y aille. Moi, je me prépare, vu que c'est moi qui sers d'appât. Du coup, je prends plein de méthamphétamine. La bonne dose. Après ce grand discours donc de notre cher ami Pi sur le fait d'avoir un plan bien cadré, de savoir où on peut aller, ce qu'on peut faire, du coup Jean-Baptiste décide de s'enfiler un peu de méthamphétamine, histoire que ce plan se déroule au mieux. Je suis un toxico, hey, je te joue un toxico avec de toxico, théoriquement ça passe. C'est vrai, c'est vrai. En effet, c'est bon à rappeler, pour ceux qui ne s'en souviendraient pas forcément de la dernière fois, dans votre fameux repérage du Robinson Park, vous avez découvert que le groupe, les Frères de la Nuit, contre lesquels vous allez devoir vous friter, d'une manière ou d'une autre, sont une espèce de tribu urbaine, de gars qui viennent a priori des égouts de Gotham autrefois, qui est adepte de pas mal de produits hallucinogènes, d'autres genres de drogues et de dopage, et qui vivrait a priori à ciel ouvert dans le parc autour d'un ancien kiosque qu'ils auraient eux-mêmes démonté pour se faire des feux. Voilà, c'est le rappel pour que tout le monde ait bien tout ça en tête. Il y a probablement d'autres pratiques mais dont on n'est pas au courant parce que c'est méta. Si c'est bien les gars dont je me souviens, mais peut-être pas. Du coup, juste moi je voulais dire que je me souviens, mais je me rappelle plus trop des conséquences de ça, que j'avais parlé de fabriquer mes petites bombes psychoactives, mes grenades psychoactives plutôt. Ça, oui, juste. Et c'était notamment pour ça qu'on avait reporté. Oui, exactement. Du coup, comme on part du principe qu'on s'est laissé du temps, je vais simplement te demander un jet de ta part, Ruby, pour voir en gros l'ampleur de l'armement que tu as pu monter. Ok. Voilà, on parle pas d'échec ou de réussite là, de savoir si t'as réussi ou pas, parce que t'as eu toute la nuit, t'as eu tout ce qu'il te fallait. Pour savoir combien t'as fait. Donc, tu t'es mis au boulot et du mieux que tu as pu, tu as réussi à produire 6 de ces fameux petites bombes fumigènes, on va dire, qui ont pour but du coup d'envoyer du gaz un peu hallucinogène. Si n'est que bien sûr, ce ne sera pas extrêmement puissant, mais ça peut faire tourner la situation à votre avantage, en effet. C'est 6 en plus de ce qu'elle avait déjà, parce qu'il semble qu'elle en avait déjà, ou pas, je sais plus. On n'avait pas vraiment, je crois, ou alors on avait tout discuté. Elle n'en avait pas. La dernière fois, on avait juste discuté de quel genre d'effet ça aurait pu avoir par rapport à ses capacités. Ok. Autant pour moi. Ouais, donc c'est 6 en tout. Bah, c'est bien. C'est très bien. Bon alors, est-ce que vous voulez qu'on y aille de nuit? Deux jours. Là, du coup, on a eu le temps de. Oui, de prévoir. Un petit peu réfléchir à tout ça. On y va de nuit, deux jours. Enfin, voilà. Moi, je serais tenté de proposer au petit matin. On prend tous des gros cafés. On se couche bientôt. Et comme ça, tous les adversaires potentiels, ils seront pas bien réveillés. Vraiment, si tu débarques à 5h, il y a personne qui est paré à nous recevoir. Bonne idée. Si vous voulez, je peux me proposer à y aller avant pour prendre la température, voir comment ils sont énervés, quoi. On peut spotter, ouais. Bah, y avait... On peut spotter. Ouais, s'il y avait cette idée d'appât aussi, je sais pas comment on peut mettre ça en place. C'est bizarre, vous avez pris un nouveau accent, mon cher visitant. Bah, il s'adapte à la population de sa nouvelle identité américaine. Bah oui, c'est sûr. Il est obligé, hein, il peut plus avoir cet accent toujours prononcé. Fait un effort. Ouais, fait un effort, ouais, c'est cool. Mais il le fait bien. Il se débrouille plutôt bien, je trouve. Lui qui était si fort, bien sûr. Passer de ça à... Oui, bonjour, bien évidemment, monsieur, tout à fait. C'est pas formidable, je suis ravi de faire votre connaissance. Bah, moi je vous le dis, culture propre d'anglais. Et on dirait presque un américain au lieu d'un yougovien. C'est d'ailleurs, c'est quoi ce... Je me rappelle plus ton nom d'emprunt. C'est Jimmy quelque chose, non? C'est Michael Honor. Michael Honor, mais oui, Michael Honor. Quel honneur. Parce que vous me faites chier maintenant, je parle tout le temps comme ça, même quand je pense. Bon, bah écoutez, ma foi, je pense que c'est une bonne idée qu'on puisse envoyer notre consommateur d'aspirine un peu avant. Pour qu'ils nous rendent compte, et puis dès qu'on pense que c'est bon, on pourra se mettre en chemin. Mais en fait, l'objectif, je pense, c'est de les rassembler en un point. Pour pouvoir tous les gazer. Donc, comment on peut... les faire peur avec... oui. Vous avez compris. Oui, non, il n'y a pas de souci. Hein, on comprend bien que tu parlais des grenades. Oui. Bien sûr, bien sûr. Oui. Ouais. Donc, je disais, oui, il faut tous les assembler en un point pour les gazer. Donc, moi, c'est pour ça que je proposais à pas, mais il y a peut-être autre solution, il y a peut-être autre chose. Comment on fait? Est-ce que entre vous, avoir l'idée? Bah, après, j'ai envie de dire. Notre ami Jean-Baptiste, tu pourrais tout à fait coller avec leur façon d'être. Ils ont l'air d'être un petit peu dans ce délire. Un peu drogue, un peu... tout ça, quoi. Oh, je sais. Prendre leur drogue fort à eux. Je prends juste ma métaphore de famille, c'est très bien. Je sais. Voilà. On va mettre... Bon, je propose Jean-Baptiste, mais si tu veux pas, parce que toi, pas avoir courage, moi comprendre. Toi, tu mets au milieu, masque à gaz, et tu fais grande prêche de l'apocalypse et de la fin du monde. Ouais, ça peut être une bonne idée. Pour les attirer un peu en mode provocation, puis et ta. Alors là, je suis un peu moins rassuré quand tu fais ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Non, mais t'inquiète pas, tu seras en hauteur, comme ça te va toucher toi. Puis un peu à ce gaz. Puis si jamais barre perdue, t'inquiète pas, on fera une jolie tombe avec ce que tu veux dessus. Alors, je t'explique qu'on n'est pas à Yougoïava, là. Hein, on n'est pas la guerre civile, d'accord? On tire pas partout, hein. Sinon, pas avoir peur. Il faut être terrifié. Il faut croire que moi être 600. Que toi être Dieu. Bogey. T'as compris? Oui, j'ai compris. Mais... Ok. Je regarde Pi d'une manière où j'ai très peur de ce qu'il vient de dire. Ok. Et moi, tu sais, pendant qu'il dit ça, je fais. Voilà, moi je propose. Oui. Jean-Baptiste déguisé à moitié clochard. Avec masque à gaz, viens faire prêche. Ruby, déguisé à moitié clochard, viens poser gaz. Et puis moi et Paul, dès qu'il y a gaz, on déclenche les deux côtés, tac tac tac tac. Ah oui, toi Jean-Baptiste, il faut que tu repères chef. De toute façon, il viendra sans doute t'embrouiller. Et puis on va voir chef. Et puis on récupère propriété Milo, puis ensuite on exécute chef. Alors, est-ce que ça vous va? Ouais. Vendu. Oh, ok, de toute façon, on n'a pas beaucoup de choix. Allez, go Ruby, on va là-bas en tant que clochard. Ok, ouais, maintenant nous devons agresser deux clochards pour récupérer fringues. Je sais. On va aller voir nos employés, on va leur demander leur fringue à eux. C'est très bien. C'est parfait. Non, mais de toute façon, on prend des fringues, on les dégueulasse, on les déchire, ça ferait clochard à terminer. On n'a pas besoin d'aller piquer des fringues à qui que ce soit. Maman, je m'habille en clochard. On est en Amérique ici. Président, c'est Joe Biden. Il faut faire le recyclage, tu ne dois pas voir écouter télévision. C'est pas bien. Toi gaspiller. Mais gaspille pas. Toi pas penser écologie. Toi pas penser écologie. Tu prends la première poubelle qui passe, je suis sûr que t'auras des fringues dedans. Ok, ah pas con. C'est bien, bien, bien, bien. C'est le vrai comportement américain. Ouais. Et moi je monte dans mon appartement, je déchire des vêtements et je descends. Je vais te demander, parce que je sais que tu es fort là-dedans, mon cher Jean-Baptiste, de me faire un jet de déguisement. Pour voir la qualité de ton déguisement. Ok, j'ai combien en déguisement? Est-ce que je dois le faire aussi ou pas, vu que... Moi je vais opter pour les fringues de la poubelle. Alors j'aimerais bien que tu le fasses, mais il me semble que t'as 0 en déguisement. Alors c'est pas impossible... Donc t'as aucune idée de comment tu pourrais faire en sorte de ressembler à une SDF. J'ai fait 1. Ah oui, d'accord. Mais je voulais de la soirée 1. Du coup, à ce prix-là, ce qui se passe, c'est que Jean-Baptiste, du coup, redescend de son appartement, revient au Hour Alibi, et vous ne le reconnaissez quasiment pas. C'est, vous sursautez presque en le voyant rentrer dans l'arrière-salle, et en le regardant, en fait, vous vous rendez compte que c'est lui, c'est vraiment le SDF classique de base, le à moitié... Je prends une bouteille de whisky, je bois un peu, et je mets un peu de whisky partout pour sentir un peu l'alcoolique. Même l'odeur maintenant. Il a tout ce qu'il faut. Et il a presque l'air d'être d'une autre ethnie en fait, tellement son déguisement est bon. Et ben du coup, vu qu'il est très bon et que moi je suis complètement paumé, je vais lui demander un petit peu d'aide par rapport à mon costume. En effet. Et à ce prix-là, il n'a pas besoin d'autre G, tu réussis parfaitement à la transformer en compagne SDF. Go. Bien Ruby, on va dans la rue. Au revoir les gars. Du coup... Il y a un souci ? Non, je dis au revoir. Ah d'accord. Donc, si j'ai bien compris, ils prennent de l'avance, mais vous ne les laissez pas quand même partir juste tout seul. Vous arrivez juste mais il est avec Ruby. Je crois qu'il est avec Ruby. Hein. Oui. Je sais qu'on l'a dit après. Oui, après. Mais, hein, tout le monde a... Enfin, on a fait les courses pour que tout le monde ait un masque à gaz. Hein. Oui. Oui. Si c'est... Enfin, allez, même si on n'a pas pu acheter le vrai truc militaire, au moins le babouin cartouche de chantier avec filtre. Oui, voilà. Okay. Vous avez pu vous procurer ce qu'il vous fallait pour être plus ou moins sûr de la réussite de votre opération. Donc. Voilà donc ce qui va se passer. Jean-Baptiste et Ruby, vous avez donc pris un peu d'avance sur les autres. Pas énormément, puisque de toute manière, ils sont censés pouvoir agir le plus rapidement possible une fois que la situation dégénère, si elle dégénère chez vous. Et vous vous rendez au Robinson Park. Donc pour vous rappeler, c'est un des parcs les plus gros de Gotham City. Et il sert aussi de repère à une énorme partie de la population la plus désœuvrée de Gotham City. Voilà, autant aller sans domicile fixe honnête que les junkies qui n'ont plus capacité à raisonner, et ainsi de suite. Mmh. C'est un endroit où on hésiterait quand même à se balader, même en journée. Vous arrivez donc sur place, et j'imagine que vous vous rendez directement au fameux kiosque démonté où vous savez qu'il crèche. Bah, je pense qu'on va y aller, mais pas forcément en même temps, mais oui, globalement. D'accord. Bon, si c'est pas en même temps, j'imagine que Jean-Baptiste est premier. Oui. Ok. Donc, vous arrivez sur place, et... première chose que vous remarquez, tous les deux, et en premier Jean-Baptiste, c'est que la dernière fois, il ne semblait pas être totalement au complet. Cette fois-ci, il semble y en avoir 10 autour de tout ce kiosque, qui sont dans des espèces de sacs de couchage, dans des cartons, ou dans des espèces de nids, de plein de tissus qu'ils ont fait et dans lesquels ils se roulent les uns les autres. Ils semblent être sauvages. Ce sont des sauvages, en effet. À chaque fois que vous les voyez, il n'y a qu'un seul mot qui vous vient en tête, c'est des sauvages, des tribaux. Quelque chose auquel on ne s'attend pas à voir en plein milieu d'une des villes les plus grandes et les plus développées des États-Unis d'Amérique. Il semble être une dizaine et il semble que parmi cette dizaine, il y en a 3 ou 4, peut-être même 5, qui sont éveillés. Qui sont au centre, bien au centre, sur le kiosque démonté, donc il n'y a plus de toit, il n'y a plus de mur, rien du tout. Ils sont tous en rond, ils ont l'air de parler autour de ce qui semble être un feu de camp. Parce que je rappelle que, comme je l'ai dit, il neige en ce moment à Gotham City. Vous vous demandez même comment ils font pour ne serait-ce que passer la nuit à ciel ouvert sous la neige. Et comment ça se fait qu'ils n'ont pas déjà émigré vers un coin où il y aurait peut-être plus d'abri. Ok. Moi je vais me poser dans un coin un peu discret et me mettre à mendier un peu comme si j'avais toujours été là, comme si j'avais toujours fait partie du décor. Bon, de toute façon, moi, de mon côté, on est en retrait, évidemment, par rapport aux deux autres. Même si, évidemment, Jean-Baptiste est beaucoup plus proche d'eux que nous. Et moi, je vais essayer en sorte d'être quand même pas trop visible, mais en même temps que je puisse au moins le voir lui, dans un premier temps. Et me faire le plus discret possible, peut-être une capuche ou un truc pour qu'on voit, pour pas qu'on voit ma face quand même, tu vois. En effet, Paul Edouard et Marco, vous avez sûrement fait en sorte de prendre les habits les plus sombres que vous pouviez, histoire de ne pas spécialement attirer l'attention. Et vous vous tenez caché dans un buisson. Ouais. Voilà. Et caché dans des buissons et à une certaine distance, assez pour ne pas être repéré et mais pas trop pour ne pas être en retard. Des choses se passent mal. Je vais donc demander au principal intéressé, Jean-Baptiste, ouais, comment il souhaite se débrouiller maintenant qu'il est là. Tu viens de rentrer un peu dans la zone qu'il y a autour de ce kiosque. Bah déjà, je joue mon rôle de toxico. Hein. Je continue à prendre un peu de méthamphétamine. Je vais vers eux, je fais « Salut les gars !» Je vais, s'il te plaît, te demander un jet de... un jet de charme, on va dire. Le charme? Ouais, le charme. Sachant que ça devrait bien se passer, vu que ton déguisement est parfait. 8. 8? J'ai de la chance à côté de moi. C'est ta soirée. Ouais, c'est ma soirée. Ça veut dire que non, c'est de la merde. Du coup, t'arrives, tu leur lèves la main, salut les gars. Ils se retournent quasiment tous, les 5 qui étaient éveillés, et ils regardent dans ta direction avec des yeux fous. T'as l'impression que la moitié sont prêts à sauter dessus, les autres, ils sont même pas sûrs que t'existes véritablement. Salut les gars, vous avez entendu parler d'un truc génial, est-ce qu'il va se passer bientôt? Tu vois qu'il y a un petit silence, et l'un d'entre eux, il fait... Non ? Qu'est-ce qu'il y a de génial ? L'apocalypse ! Vous imaginez des explosions partout ! Appel de Dieu ! Vous imaginez ? Regardez, prenez ça, prenez cette méthamphétamine. Vous allez voir, vous allez planer comme moi. Tu leur prends quoi ? T'as un espèce de petit bol là ? Un espèce de truc avec de la méthamphétamine dedans ? Ouais. Tu leur passes le bol, et tu vois qu'ils en prennent chacun, l'un après l'autre, tu vois, ils se font passer le bol, un peu comme une espèce de calumet de la paix. Il y en a un seul qui n'en prend pas. Un homme que tu sembles identifier comme, si ce n'est le chef, au moins une figure d'autorité. Peut-être pas forcément la plus haute figure d'autorité du groupe. Mais un type qui, comme les autres, est en haillons, avec des habits, tout ça, si ce n'est qu'il a un espèce de gros manteau. Par-dessus tous ces haillons, l'espèce de gros manteau en laine où tu vois que l'intérieur c'est vraiment de la laine et tout ça. En tout cas, il a des privilèges et il a une espèce d'énorme barbe, des cheveux extrêmement longs, extrêmement bouclés, enroulés, même la barbe et les cheveux sont enroulés ensemble. Ça lui fait vraiment une espèce de toison naturelle pour se protéger du froid. Même ses sourcils sont énormes. Et tu le vois qu'il prend le bol dans ses mains et il le passe directement au prochain. Il te regarde pas particulièrement, juste il a l'air d'être témoin auditif de la situation, il écoute ce qui se passe, mais il ne te regarde même pas, il regarde le sol. Et vous savez quoi ? En entendant Dieu dans ma tête, je me suis dit, il faut que je vienne voir mes camarades et mes compagnons. La fin du monde, les survivants sont tous comme nous. On verra la vérité au-delà de notre monde. Ok, je vais te demander, s'il te plaît, un jet de baratin. Parce que là, c'est du vrai, c'est du gros baratinage que je leur fais. Non, baratin, parce que... Ah, ça va être un petit... 21. 21, ok. C'est ma soirée. Content, mais je pense que ça va bientôt mal finir. Du coup, tu es en train de débiter, là, tes paroles, tes histoires sur l'apocalypse, sur le fait que tout le monde va leur ressembler bientôt. Et tu vois que quasiment tous, si ce n'est cette espèce de figure d'autorité, te regardent droit dans les yeux, ils ont la tête absorbée par ce que tu dis. Tu sais pas s'ils te croient, mais ils sont passionnés en tout cas par ton discours. Alors, en tout cas, ils envisagent la possibilité de ce que tu racontes. Pendant ce temps, je vais demander à Ruby, du coup tu vois qu'a priori, Jean-Baptiste a l'air de bien se débrouiller. Il capte l'attention de ceux qui sont éveillés. Et je vais te demander. Ouais. Pardon ? Je vais te demander si tu souhaites faire quelque chose. Oui, justement, j'aimerais profiter du coup du fait que tout le monde s'est un petit peu absorbé de son discours pour me lever, faire mine de faire un tour histoire un petit peu de me réchauffer et me rapprocher progressivement de leur position et déjà essayer d'observer s'il n'y aurait pas quelque chose qu'autour lui-même ne verrait pas. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres gars, est-ce qu'il n'y aurait pas de l'animation, D'accord. Quoi que ce soit. Eh bien, je vais te demander, s'il te plaît, un jet de attention. Ok. Dans lequel tu as 40. Eh bien... J'ai fait 95. Ok, génial. Je suis là pour compenser les excellents jets de Jean-Baptiste. Très bien. Et du coup, tu te lèves, donc tu te déplaces un peu, tu as des moments où tu t'approches presque dangereusement même des différents sacs de couchage et des espèces de formations qu'ils ont toutes autour du kiosque. Tu regardes un peu, tu cherches à regarder aux alentours s'il n'y aurait pas les gars en plus. D'ailleurs, je précise aussi pour le RP, j'ai à la main du coup un sac plastique dans lequel je ramasse des trucs qui pourraient traîner, des mégots de clopes... n'importe, et je les mets dedans, et en fait, en réalité, au fond de ce sac, derrière une espèce d'écharpe humide de 2-3 merdes que j'ai ramassées, se trouvent du coup les fameuses. Okay. Bon, alors j'en ai peut-être certaines dans les poches, mais je veux dire, c'est là où j'ai ma planque principale. Quoi. Oui. Voilà. Ok. Donc, tu cherches à voir s'il y a quelque chose qui vous attend à l'horizon, caché quelque part par-ci par-là. Parce qu'en effet, on vous a dit qu'ils étaient une quinzaine ou quelque chose dans le genre. A priori, il n'y en a que 10 de visibles, dont 5 éveillés. Et tu cherches à en voir et tu ne vois rien. Cependant, tu as la profonde certitude, et je ne dirai pas si elle est juste ou fausse, bien entendu, vu le résultat que tu as eu, que les 5 qui sont sur cette là en plus... sont bel et bien présents, mais cachés quelque part. T'as l'impression d'être observé de toutes parts, et tu sais que ce n'est pas seulement Marco et Pi qui sont cachés dans les broussailles. Peut-être même que les 5 autres sont prêts à vous attaquer. Ok. Je prends du coup le risque de sortir un espèce de petit téléphone jetable que j'avais dû récupérer avant de venir, et qui me sert de moyen de communication. Et du coup, j'envoie un message. Bon, malheureusement, je grille peut-être ma couverture si on est vraiment observé. Parce que normalement, enfin, après, voilà, des sans-abri avec des téléphones, il y en a, mais je veux dire, voilà, c'est un peu hors du commun. Et j'envoie un message aux autres et je leur dis faites attention. Faites attention, c'est louche. J'envoie ça soit à Marco, soit. Ok. Soit à notre cher ami. Je vais demander à Marco et Pi s'ils veulent faire quelque chose en particulier, et sinon je remonte de nouveau à Jean-Baptiste. Bah, du coup, est-ce qu'on a reçu le texto de... Vous le recevez en effet. Je pars du principe que vous aviez déjà préparé un peu la chaîne de communication au cas où. Donc... D'accord. Bah, dans ce cas-là, je vais prêter attention, okay. Du coup, évidemment, voir s'il n'y a pas quelque chose de louche en regardant de là où on est. Eh bien, je vais te demander, du coup. Je vais vous demander. 14. 14 sur 40. J'ai de quoi ? D'attention. Attention. Okay. 14 sur 40 pour moi. Et toi, Marco ? 78 sur 40. Ok. Marco, tu fais de ton mieux pour essayer de regarder aux alentours. Cependant, tu t'es mis dans un buisson qui est quand même assez touffu. Et t'as un peu la certitude que si tu te mets un peu trop à bouger de gauche à droite, tu vas faire vraiment du bruit dans ce buisson. Et du coup, tu te permets pas vraiment de surveiller les alentours aussi profondément que tu ne le voudrais. Histoire de ne pas briser la couverture que tu partages avec Pi. De ton côté, tu regardes toi aussi aux alentours, tu as une liberté de mouvement un peu plus large. Et donc, en regardant de gauche à droite, d'avant en arrière, tu penses en effet qu'il y a des gens aux alentours, mais en même temps, on est au milieu d'un parc qui est rempli de gens qui prennent tous leur distance les uns des autres pour éviter de se faire voler le peu de possession qu'ils ont. Mmh. Donc c'est possible que ce ne soit pas des gens qui soient parmi eux, qui soient donc des frères de la nuit, mais il est possible, en effet, peut-être qu'un ou deux d'entre eux, au moins, en soient. Bah du coup, je renvoie un texto à Ruby pour lui dire ça a l'air calme, mais effectivement, fais attention. Jean-Baptiste, tu vois du coup que tu es toujours en train de faire ta petite prêche apocalyptique, tu leur proposes encore de faire un tour de table avec ton bol de méthamphétamine. Mais tu vois que certains commencent un peu à se désintéresser de la situation. Tu comprends que c'est peut-être pas la première fois que quelqu'un leur fait une prêche, notamment peut-être l'église de la lumière dans le noir, hein, celle que vous avez vue la dernière fois. Et sûrement plein d'autres petits groupes qui veulent prendre l'avantage des gens comme eux. Donc tu vois qu'ils se désintéressent. Tu vois, ils étaient contents parce que tu leur passais de la méthamphétamine. Donc ils sont, quand le bol passe devant eux, ils sont très attentifs. Mais dès que le bol est passé au gars d'à côté, ça y est, ils sont repartis de leur monde. Donc tu commences... Mais bon, ça va. Il faut commencer à faire des sacrifices humains. Pour éviter. Je vais te demander encore un petit jet de baratin, s'il te plaît, parce que là. On dirait l'intonation de Jamie dans C'est pas sorcier. Non, de Fred, du coup, justement. J'ai fait 30. Tu sais, Jamie, les sacrifices humains. J'ai fait 30. Ok. Et où est Jamie? Non, par contre, je le gueule. Dans tout le parc. Vraiment, dans tout le parc. Donc tu pars, tu fais, il nous faut des sacrifices humains. Tu vois qu'il y a certains trucs qui lèvent, genre grand les yeux, qui te regardent dans. Qui te regardent vraiment droit dans les yeux, ils savent pas quoi faire, ils savent pas comment réagir. Et tu vois que celui qui avait pas l'air très attentif, il lève les yeux vers toi. Et tu vois qu'il a l'air de te prendre au sérieux, mais pas d'une manière positive. Je vous propose à tous et à toutes qu'on aille défoncer la gueule de ces catholiques. Et ils prêchent la protection de ce monde alors qu'ils nous font cette fin du monde pour que nous on puisse prendre le devant sur toute la population. Nous connaissons la vérité, nous savons ce qu'il y a derrière cette image. Tu vois que du coup, le type, la figure d'autorité, se lève doucement, hein, genre il saute pas sur ses pattes ou quoi que ce soit. Il se lève doucement. Tu vois qu'il semblait assis sur ce qui semblait être une collection de 3 ou 4 valises, empilées les unes sur les autres. Et il avance devant toi d'un pas toujours calme, presque même un peu tremblant, et il te dit juste, sans trop te regarder dans les yeux, vous devriez partir. Oh, mon ami, vous devriez partir. Et cette fois-ci, il te regarde dans les yeux. Et moi, je le regarde aussi dans les yeux. Ça serait dommage, mon ami, de pas faire ce que je vous dis. Vous êtes pas le premier gourou à essayer de nous enturpiner. Ah non, je suis pas un gourou. Hein. Moi, je sais que c'est pas trop mon délire. Moi, j'aime bien la drogue et tout ça. Mais c'est vrai, j'ai entendu quelqu'un dans ma tête me le dire. Vous venez de changer de façon de parler. Ah, c'est la méthamphétamine. Elle me monte trop à la tête. Moi, je dis ça pour votre bien, alors partez. Et vous êtes ? Totem. Totem. Moi, c'est la chouette. Je tends ma main toute dégueulasse. Remplie d'alcool. Donc, il tend sa main aussi, il prend ta main avec sa main, et tu vois qu'il te lâche pas la main. Il continue à te secouer la main. Comme ça, et tu sens qu'il serre assez fort. Et il te dit, pourquoi vous êtes venu à nous ? Parce que vous êtes les seules personnes intéressantes, les autres tocards là-bas, là, qui sont en train de prier un dieu d'où je ne sais où, là, me font trop peur, ils me menacent. Là. Il n'y a que vous dans le parc qui est intéressant, parce que sinon les autres sont pas intéressants. Ils prennent même pas de drogue. Regardez autour de vous. Tu vois qu'il continue à te serrer la main, hein. Il continue à te serrer la main et il la lâche pas. Regardez autour de vous. Vous voyez quoi ? Vous, les 9 autres personnes, là. Je regarde autour. Regarde autour, et tu vois qu'il n'y a pas l'air d'avoir âme qui vive, mis à part eux. Et, mis à part Ruby, qui se balade un peu aux alentours, en faisant la SDF. De guetter, Voilà. Mais je vous jure, il y avait des mecs catholiques, là, tout à l'heure. Vous êtes tout seul ici. Vous savez comment on fait pour rester en forme avec si peu d'accès à la nourriture ? Ah, on mange d'autres humains, c'est ça ? Oui. Et vous avez l'air déjà assaisonné. Ah non, j'ai la gale et tout ça. Tu vois qu'il continue à secouer la main, il te lâche pas la main. Tu vois que autour de toi, il y en a deux qui ont l'air de se lever aussi calmement. Vois ça, bien évidemment. Ouais. Vous voyez tous ça, évidemment. Après, vous n'avez pas le contexte de ce qu'ils échangent comme paroles. Mais on voit quand même qu'il lui tient la main depuis un petit bout de temps, quand même. Voilà, il lui tient la main depuis un petit moment. Maintenant, il lui tient même à deux mains. Vous voyez, genre, il a l'autre main sur son bras. Ouais, c'est pas bon. Il y en a deux qui se lèvent à côté. Jean-Baptiste, est-ce que tu veux faire quelque chose en particulier ? Ou ? Non. Je vais vous laisser tranquille alors, je vais partir de mon côté. Il y a une personne là-bas, vous pouvez bouffer, hein. Je ne la connais pas. Donc il continue à te serrer la main, à te secouer la main, il fait « Non, partez pas tout de suite !» Et tu vois que les deux qui sont autour de toi, il y en a un qui reste et l'autre qui se tourne vers la direction de Ruby, vers laquelle t'as attiré l'attention, et il a l'air de l'observer maintenant. Question. Oui. Juste question. Qui a toutes les... Enfin, j'imagine que Jean-Baptiste doit avoir une grenade avec lui. Et les autres, c'est Ruby qui les a. C'est ça ? Nous, on en a pas. C'est l'idée. C'est le principe que j'avais quasiment. Ok, d'accord. Sous mon truc là, bah, j'active la grenade. Je prends un risque énorme vu que j'ai pas mis de masque à gaz. J'active la grenade et je continue à serrer la main et je fais ouais. D'accord. Alors tu vas pas l'activer tout de suite parce que du coup on a passé ton tour. Hein. Ouais. Mais Ruby, est-ce que tu souhaites faire quelque chose en voyant du coup Jean-Baptiste aux prises avec le gars et deux autres gars qui se lèvent, dont un qui te regarde ? Ouais, moi je pense que j'avais ma main aussi, du coup, dans mon sac, je pense juste que je le regarde, immobile, que je sors mon masque et que je le mets au niveau de mon visage. Ok. Très bien, donc tu vois, tu mets ton masque, tu vois que le mec continue à te fixer, il a pas l'air spécialement de comprendre... C'est ça, je continue de le fixer aussi. ...qui se passe. Il voit juste mettre ton masque et il en conclut pas grand-chose, si ce n'est qu'il doit continuer à te regarder parce que t'as l'air vachement chelou. Qui n'est pas chelou dans ce parc? Donc nous, j'imagine qu'on la voit je mettre son masque. Je cligne la tête en le regardant. Vas-y, vas-y. Tu disais quelque chose, Ruby, du coup, pendant ce temps? J'ai pas entendu. Je disais, j'incline la tête en le regardant. Ok. Ça change pas grand-chose, mais j'ai bon espoir qu'il comprenne seulement quand il sera trop tard. Sauf que il penche un peu la tête aussi en même temps, et il commence à faire un pas dans ta direction, mais pas un pas, genre il vient t'affronter, juste un pas, genre... Il comprend pas, du coup, il a la pulsion de se rapprocher, peut-être pour comprendre mieux. Je vais en avant également. Il continue. Et maintenant, il avance comme s'il venait pour te parler. Je avance de quelques mètres. J'essaie de regarder dans ma direction périphérique où en est notre cher Jean-Baptiste. Voir ce que ça donne. Essayer de voir le jauger l'état du truc. D'accord. Pendant ce temps, donc pour l'Edouard, tu mets ton masque. J'imagine que Marco fait de même en voyant que tu lances. Parfait. Et du coup, Ruby, tu regardes un peu dans ta périphérie pour voir où en est Jean-Baptiste, et tu vois que Jean-Baptiste est toujours en train de serrer la main au type, et tu vois qu'une espèce de petit nuage de fumée qui se répand autour d'eux, mais pas de la fumée qui se remarquerait, genre comme une fumée d'incendie, ça a presque l'air d'être une déformation de l'air, presque. Ok, je vois. Et bien, dans ce cas-là, je sors du coup la main de mon sac, et je pointe mon pistolet, mon arme de poing en face du type qui s'avance vers moi et je le dégomme avant qu'il ait le temps de réagir. Le rayon d'action de la grenade, effectivement, c'est combien par rapport autour de... En général, c'est quoi, 5 mètres, 6 mètres, 10 mètres? Extérieur, pas grand-chose, malheureusement. Ouais, ce serait pas grand-chose, parce que pour des dispositifs aussi petits, il n'y a pas moyen de propulser ça très loin. Je vais te demander, Ruby, le premier jet vraiment agressif de cette campagne. Donc, un jet de arme de poing. Et j'ai fait 14. Putain, j'avais pas de chance pour l'instant, mais là, c'est pas mal. Je crois que j'ai 40 de souvenirs. Et bien, en effet. Du coup, tu avances dans cette direction, tu étais toujours un peu en train d'avancer dans sa direction, lui aussi continue à avancer vers toi, et quand tu vois que la situation commence à se lancer, tu sors ton arme, tu le vises directement et tu tires une seule balle, il tombe au sol. Tu n'es pas sûr si c'est toi qui viens de faire une fulgurance ou si c'est lui qui s'est tellement accroché que c'était quasiment impossible à rater, mais il tombe au sol, tu ne l'as pas tué a priori, mais il est en train de se tordre sur lui-même, il est en train de hurler de douleur au sol. Et instantanément, je saute dans un buisson pas loin pour un peu disparaître et tenter de réapparaître un peu ici et là, jeter des grenades, mais dans tous les cas, ce sera à mon prochain tour. Très bien. Jean-Baptiste, toi toujours, t'es dans la fumée, tu en as malheureusement un peu ingéré. Respiré, pas ingéré. Ou peut-être volontairement, sait-on jamais, avec la personne que tu es. Mais... Tu entends un coup de feu. Tu vois que le type sursaute et te lâche directement la main. Et tu vois que les autres qui sont autour de lui se lèvent. Et sûrement d'autres qui se mettent aussi à bouger parmi ceux qui dormaient. Je me mets à terre. Je fais le mec très apeuré vu que je comprends pas ce qui se passe. Ok. Et genre tu paniques, tu vois qu'il y en a même un ou deux autour de toi qui font « C'est l'apocalypse, il avait raison !» Je vais demander... Paul-Edouard et Marco, s'ils agissent immédiatement ou pas. Bon, là, on peut sortir du truc en mode... faut y aller, quoi. De toute façon, Ruby, elle est exposée. On n'a pas trop le choix, finalement. Attends. C'est comme la... De quoi ? Chasse. Quand la cible est paniquée, tu attends qu'elle fasse n'importe quoi. Ensuite, tu commences. Et là, c'est bien. Ok, je suis l'expertise de notre ami Marco, qui a l'air de savoir ce qu'il fait. Vous décidez de temporiser un peu sous les conseils de Marco, après tout, c'est un spécialiste, paraît-il. Guérilla. Évidemment. Et du coup, vous remarquez du coup que parmi les différents types qui étaient déjà éveillés, il y en a certains du coup qui saisissent ce qui semble être des petits bouts, des branches de bois, ou même certains des battes de baseball dans lesquelles ils auraient planté des clous ou qui seraient entourés de barbelés. Vous voyez qu'au final, ils n'ont pas l'air spécialement d'avoir d'armes à feu, en tout cas pas parmi ceux qui étaient réveillés. Ceux qui dormaient, vous les voyez qui commencent à s'agiter, qui se lèvent, et vous aurez rapidement pas seulement 5 personnes autour de vous, Jean-Baptiste et Bobby en quelque sorte, mais bientôt 10. Jean-Baptiste, c'est à toi de faire quelque chose. Moi je me fais chier. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Ok, tu te roules vraiment au sol, tu vois, tu fais vraiment le mec paniqué, tu veux faire en sorte que que l'attention soit détournée de toi. Et nous allons voir si ça fonctionne. Cette fois-ci, ça ne dépend pas spécialement de toi. Très bien. Tu vois que du coup, les deux qui commençaient à faire « c'est l'apocalypse », ils se lèvent et ils ont l'air de fouiller dans les affaires comme s'ils cherchaient leurs affaires à eux pour partir en courant ou quelque chose comme ça. Tous les autres, ils ont l'air de spécialement s'armer et en fait de se mettre en formation pour défendre le kiosque. Cependant, Totem, le chef, la figure d'autorité, qui vient de te lâcher, lui, et vient de sortir ce qui semble être un espèce de gros couteau de combat de son manteau. Et il te regarde. Autour de vous, l'air est en train de se déformer, tu ne sais pas si c'est le fait que t'en aies respiré, ou si c'est simplement l'effet visuel du gaz qui est comme ça. Mais tu sais que ce n'est plus qu'une question de seconde avant que la situation dégénère. Ben, moi je prépare quand même mon couteau en dessous de mon truc au cas où s'il faut que je me batte, mais j'ai fait mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on nous tire dessus? Ok, donc tu décides de rester passif. De ton côté, Ruby, toi qui étais re-enfoncé dans les buissons, quelle est la suite? Eh bien, je pense que je vais commencer à jeter des grenades un petit peu partout pour être sûr de toucher un maximum de personnes possibles et de les faire rentrer maintenant dans un état de transe et qu'ils soient complètement désarçonnés, entre guillemets. Avec, du coup, d'une main, je les jette et de l'autre, je garde mon arme au cas où je tombe sur l'un d'entre eux. Ok. Du coup, je vais te demander, si tu veux bien, un jet, et ne prends pas, si tu veux bien, comme quelque chose que tu pourrais refuser, un jet d'agilité, s'il te plaît, on va dire, pour tes lancers. Il me semble pas que j'ai de lancer. C'est bon. Non, alors, c'est très... j'ai fait 28, et en agilité, j'ai 25. Dommage. Ok. Du coup, tu jettes quelques premiers dispositifs que tu as créés dans leur direction. Tu vois que certains d'entre eux, du coup, tombent en plein milieu de l'assemblée, parmi les gars qui sont en train de s'agiter et de sortir de leur sac de couchage et tout ça. Cependant, tu n'es pas sûr de les avoir jetés de la manière qui ferait en sorte qu'ils soient tous sous effet du produit une fois qu'il rentrera en action. Pourquoi tu as fait du mieux que tu pouvais? Je vais simplement te demander, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose d'autre à ton jet ou pas? Est-ce que tu souhaites faire autre chose que non, je pense que j'ai compris. Enfin, je pense que du coup, Victor et Marco, pardon, et puis on compris ce qu'il fallait faire. Du coup, je pense que je vais. Non, je vais juste me contenter de faire ça. Je vais essayer de surveiller un petit peu ce qui se passe, mais bon, c'est ça. C'est... De toute façon, j'attends qu'ils viennent et qu'ils gardent. Donc, du côté de Marco et Pi, vous remarquez que la plupart de ceux qui étaient tout autour du kiosque ont l'air pas seulement d'être en état d'assaut, mais commencent à regarder un peu dans tous les sens comme apeurés. Ils ont l'air même de se suspecter les uns les autres. Tu les vois qui se regardent comme si il y avait plus que la panique naturelle d'une attaque surprise. Ok. Marco, bon. On fait quoi? Let's go. Là, je te suis. Enfoncions-t-il dans le tas? Computé. On sort du truc, casque, masque sur la tronche, évidemment. Ouais. C'est moi qui ai le fusil à pompe, je le préviens. Bah moi j'ai mon arme de poing. D'où ma réclamation au début de... Ouais, je comprends mieux. Très bien, du coup vous sortez de vos buissons, vous vous rapprochez du mieux que vous pouvez, et je vais vous demander, pour ceux qui veulent tirer avec leur arme qui tire plus loin qu'un fusil à pompe, de faire leur premier jet de tir. Donc sûrement Pi et Marco, tu as le fusil à pompe en main ou tu es toujours avec l'arme, la petite arme pour l'instant? J'ai pas compris. Là, t'es avec le fusil à pompe en main, on est d'accord? Oui, oui. Ok, d'accord. Donc, Pi, si tu veux commencer à tirer dès à présent, sauf si tu veux attendre d'être plus près, ce sera un jet d'arme de poing. Oui, bah de toute façon, je sors en trombe. Après, il faut voir à peu près. On était loin, mais pas si loin que ça. Donc, bon, après, il fait nu. Enfin, il fait plus ou moins sombre. Mais bon, je vais quand même essayer de tirer. Alors, pour l'instant, les personnes les plus loin. De Jean-Baptiste, parce que je suis un peu loin, donc j'aurais pas envie de faire une boulette, on va dire, par sécurité, on va dire. Donc c'est un jet d'arme de poing. C'est ça. Et pour toi, Marco, vous êtes encore un peu loin pour utiliser le fusil à pompe, donc soit tu ne tires pas, soit tu passes à une autre arme pour le moment avant d'être plus proche, c'est toi qui me le dis. Alors je fais 62 sur 50. Je vais tirer, mais intentionnellement sur le côté, en fait, pour essayer un peu de rabattre les gens, enfin tu vois ce que je veux dire. Tu sais que ça touche rien, mais juste pour essayer au moins de faire peur avec le bruit et pousser les gens à se regrouper, enfin tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. Pour essayer de vider d'un côté, quoi. Ok. Je vais pas te demander de jet de tir particulièrement. Genre sur les gens qui sont en sac de couchage ou quoi. Ça marche. Donc Marco, du coup, tu tires du mieux que tu peux dans une direction pour essayer de les attrouper. Je vais pas te demander de jet pour ça parce que tu vises pas d'endroit en particulier, donc ça ne vaudrait pas le coup. Pi, est-ce que tu peux me redire quel résultat tu as fait? 62 sur 50. Donc j'ai bien fait de prendre de la marge. Tu prends ton arme, tu tires un peu dans leur direction. T'avais fait un peu en sorte quand même de, si tu ratais, de ne pas tirer directement sur Jean-Baptiste qui est au milieu en train de se rouler au sol. Et tu tires dans la direction et accompagné du coup du bruit impressionnant d'un fusil à pompe de la part de Marco, vous voyez que la plupart d'entre eux sursautent, notamment ceux qui étaient en train de fouiller encore chercher leurs armes dans leur sac de couchage. Et vous en voyez deux qui se renfoncent dans leur sac de couchage immédiatement, ils préfèrent se terrer comme des autruches que de l'affronter des armes à feu. Tandis que d'autres du coup ont l'air de se rapprocher du kiosque comme pour faire du coup une espèce de formation autour de ce lieu qui devrait protéger. Même s'il n'y a rien à protéger vu qu'il n'y a aucun mur, aucune défense, mais c'est la stratégie qu'il décide d'avoir. Jean-Baptiste, nous revenons à toi. T'es toujours un peu au sol, ton couteau caché dans ta main au cas où il se rapproche trop. Et tu vois que Totem, du coup, avance vers toi, pointe son couteau vers toi comme s'il avait une espèce d'épée d'escrime. Et il te dit, ça va être l'apocalypse pour toi, mon petit. Et il s'approche directement avec l'envie, tu penses, de te poignarder. Je lui jette de la neige dans les yeux et je pars en courant. Ok, c'est pas mal. Je vais te demander, s'il te plaît, un jet de... Alors, j'ai pas de jet de boule de neige, j'aurais dû y penser. De boule de neige. Et on va dire que c'est plus une question de... Ouais, bah en fait, ça va être une question d'agilité, un peu comme le jet de bombe de notre cher Ruby. Agilité. Je fais 40, mais je sais pas combien j'ai en agilité. Donc, ouais. C'est bon. Ok, du coup tu prends une espèce de boule, tu prends de la neige dans ta main, tu lui balances au visage et tu te mets à courir à toute vitesse pour t'éloigner du mieux que tu peux. Tandis que tu cours, t'as vraiment la certitude que deux d'entre eux sont en train de te courser immédiatement. Ils ont réagi au quart de tour et t'es sûr qu'ils sont derrière toi. Tu sens même une main commencer à te saisir les habits. Cependant, tu es sûr que Totem, lui, est resté sur place. Je vais te demander juste, est-ce que tu fais quelque chose par rapport aux deux gars qui sont derrière toi, ou est-ce que tu continues juste à courir? Moi, je cours et je fais « Hey, yeah, c'est l'apocalypse !» Très bien. Du coup, tu gueules « C'est l'apocalypse, c'est l'apocalypse !» T'as l'impression que les gars derrière toi ont l'air d'hésiter un peu, soudainement, face à ces cris. Ils courent toujours après, mais t'as l'impression qu'ils commencent à se dire « Est-ce qu'on devrait pas se cacher par hasard? Est-ce qu'il va pas y avoir une pluie de météorites, soudainement ?» Mais ils te courent après. Ruby, c'est ton tour. Déjà, moi aussi, je commence à me demander, putain, mais est-ce qu'il serait pas en train de croire à ses propres conneries, l'autre con, en entendant crier? Dans tous les cas, je pense que je vais essayer de descendre les types qui lui courent après. Mais pareil, je pense que je vais tirer en l'air pour pas prendre le risque de toucher, du coup, mon cher Jean-Baptiste par erreur. Mais juste de leur faire comprendre qu'ils se font tirer dessus et qu'ils prennent la fuite, qu'ils fichent le banc. Donc tu tires, du coup, pas spécialement dans leur direction, enfin pas vraiment vers eux, mais en tout cas pour être sûr que pour être sûr qu'ils lâchent. Je suis en train de regarder aussi très rapidement dans mon inventaire ce que j'ai. Ah, il me semble que vous avez pas tous des inventaires très... Toi t'en as en effet. J'ai pas grand chose, j'ai un cran d'arène, une barre à mine, du matériel de tatouage et des bombes de peinture. Non, je suis en train de me dire comment est-ce que je pourrais pas simuler l'apocalypse, mais bon, c'est pas forcément... Ça risque d'être un peu compliqué. Ouais, on aurait pu prévoir un cercle d'essence autour du camp, l'apocalypse est faite en impro, donc... enfin, on avait parlé de prêcher l'apocalypse, mais vous avez compris ce que je veux dire. Ouais. Non, du coup, je pense que je vais... Je vais juste faire ça. Ok. Est-ce que tu penses quand même essayer d'en viser un pour au cas où, on sait jamais, ou est-ce que c'est vraiment juste dans une direction? J'aimerais éviter qu'il y en ait qui prennent la fuite quand même. Ok. Mais donc dans l'idée, je vais quand même plutôt tirer dans les jambes que spécialement tenter. Je pense que je m'en fous un peu si j'en descends un, mais j'ai pas non plus, je suis pas là pour claquer des headshots. Okay. Arme de poing, s'il te plaît. Ok. Alors. 63, malheureusement, c'est un échec. Aïe. Avec ton arme à feu, tu tires un peu dans la direction du coup des gars qui courent après Jean-Baptiste. Tu es sûr de n'en toucher aucun, cependant, il n'y a rien qui... Aucun d'entre eux ne tombe, cependant, tu sais que le bruit en arrête au moins l'un d'entre eux. Il se fige et regarde un peu dans la direction dans laquelle il pense que le bruit vient, mais en même temps, il est au milieu d'un parc. Le son est un peu différent, on va dire. Notamment... Notamment parce qu'il y en a un qui gueule l'apocalypse juste à côté d'eux. Et au moins t'en as arrêté un. L'autre cependant, dans une espèce de rage de berserker, continue à courir à toute vitesse derrière Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui, lui, de son côté, commence à voir dans la forêt des formes qui n'attendent que sa venue pour le saisir. S'agit-il des renforts ou s'agit-il des effets du gaz? Qui sait? C'est l'apocalypse. Bon, je parle dans l'autre sens. Regarde, il y a des monstres. Paul-Edouard et Marco, vous êtes à présent assez approchés, en tout cas pour ceux qui veulent s'approcher assez, pour vraiment rentrer dans une bataille digne de ce nom. Donc à portée de fusil à pompe, pour ainsi dire, pour Marco. Perso, moi je tire au niveau des jambes. De la personne qui court après Jean-Baptiste. Ok. Arme de poing, s'il te plaît. Oh, la même. Moi, je vais plutôt viser les personnes qui s'approchent le plus. Et ben, j'ai du mal. Plus de nous. Quatre. Puis voilà. Et si on essaie de continuer une avancée lente. Ok. Mais... Marco, tu peux répéter juste vers ceux qui se rapprochent le plus de nous. Ok, d'accord. Très bien. Donc, du coup. Tu tires un peu dans la direction toi aussi du type qui poursuit Jean-Baptiste, cependant tu ne le touches pas et a priori il ne s'arrête toujours pas. Celui-là, il a l'air d'avoir beaucoup apprécié la méthamphétamine de Jean-Baptiste et il est absolument fixé sur lui. Pour ce qui est de toi, Marco, du coup tu remarques que deux d'entre eux avaient du coup saisi leur batte de baseball ou leur branche ou peu importe ce qu'ils avaient. Il y en a même un qui avait une espèce de hachoir de boucher, qui sont en train de courir vers vous. Et tu pointes donc ton arme vers eux et tu tires. Je vais te demander, s'il te plaît, un G de cette catégorie n'a pas encore été nommée vu qu'on vient de réorganiser la fiche, mais d'armes. D'armes à feu. Okay. Mitraillette quoi. Okay. Ouais voilà. Oui. Ouais, très bien. Du coup, parmi les deux qui fonçaient vers vous, ils ne, malheureusement n'avançaient pas en formation serrée, ils étaient un peu séparés l'un de l'autre, ils venaient d'un coin et de l'autre du kiosque. Donc tu arrives à en choisir un d'entre eux, tu tires, tu lui fais quasiment sauter les jambes, t'as l'impression que ses jambes se retournent sous l'impact, se déchiquettent un peu. Il tombe au sol, il n'est pas mort, cependant il est quand même sous... il est quand même en très mauvais état, il se met à hurler, lui aussi comme le premier gars qui avait touché Ruby. Et l'autre continue de foncer sur vous avec son hachoir de boucher. Et ok. Jean-Baptiste, tu sens une main te choper à la capuche ou en tout cas au col de l'habit dégueulasse que tu as pris et te tirer en arrière. Te retrouve au sol sur le dos et tu vois le type au-dessus de toi avec une espèce de branche qui a l'air d'avoir été taillée un peu en lance et il se prépare à te planter. Je vais te demander une seule chose, un seul jet, tu n'as pas le choix d'attaquer ou que ce soit, juste un jet d'esquiver. Tu en as. Et tu n'en as pas. J'ai fait 30. Très bien. De toute manière, tu ne peux pas faire de jet sur une capacité auquel tu n'as pas de. Tu ne sais pas esquiver. Et tu n'as pas des très bons réflexes. Tu n'es pas quelqu'un avec d'incroyables réflexes. Notamment peut-être parce que tout ton système nerveux est ravagé. Pour pas parler aussi de ton cortex cérébral et tout ce qu'il faut. Donc tu le vois que du coup avec sa lance et tu vois qu'il la plante. Tu sens rien sur le moment mais tu as le mouvement, tu vois, t'as le et tu sais que t'as été touché. T'es au sol et t'as une lance plantée. Tu n'as pas encore senti la douleur. Peut-être merci la méthamphétamine, tu sais pas trop. Mais tu sais que t'es planté au sol maintenant. Et tu vois le gars qui te regarde avec un sourire, il a l'air très content de lui. C'est pas vraiment un sourire sadique, mais c'est plus le sourire du chasseur qui a chopé sa proie, tu vois. Genre, il est content de sa performance. Je sors mon couteau, je fais un grand... Il est proche de moi quand il sourit ou pas? Vu qu'il doit faire comme ça. Mais il est au-dessus de toi, quoi. Bah, je lui fais un gros sourire de l'ange. À mon couteau. Ok, du coup, tu prends ton couteau, tu... Tu essayes de lui planter à la joue, d'essayer de lui déchirer quelque chose. Je vais te demander un jet du coup de arme tranchante. Okay. Avec un malus évidemment, parce que il est au-dessus de toi, mais il est debout quoi. Et toi t'es au sol avec une lance plantée dans quelque part. J'ai fait un. Ok. Ok, d'accord, et du coup non, j'ai la chance ce soir. Ce soir, j'en avais pas du tout. Tu vois, du coup, qu'il était très content, tellement content qu'il s'était un peu abaissé, tu vois, pour essayer de récupérer sa lance ou quelque chose comme ça, et tu profites du coup de ce moment pour sortir le couteau, et tu lui ouvres en fait une joue directement tout le long, tu lui as fait un demi-sourire de l'ange, tu l'as complètement, et tu vois qu'il se relève, il lâche la lance, et il recule en se tenant le visage, et il fait. Il a l'air de dire quelque chose, mais. Peut-être que tu lui as coupé un bout de langue aussi avec, tu sais pas, mais il est incapable de parler, il est concentré sur sa douleur. Ruby, quelle est la suite? Qu'est-ce que j'ai exactement en face de moi à ce moment-là? Ruby, c'est toi, t'étais encore un peu caché dans les broussailles, si j'ai bien compris, ouais, t'as sorti à peine pour jeter les bombes. Donc tu vois que tu n'es pas en danger physiquement pour le moment. Évidemment, la présence de gars avec des armes à feu, dont avec un fusil à pompe, quoi que ce soit, a l'air de concentrer toute l'attention. Donc, on va dire que t'es un peu en sécurité pour le moment. Mais les gars, tu sais que, notamment en voyant Jean-Baptiste, qui risque d'avoir des soucis, et Marco et Paul-Edouard aussi, mais on va dire que t'es un peu hors de la zone de combat. Ok. Je me tâte un petit peu. Hmm. Est-ce que j'ai des gars qui ont l'air de s'apprêter à se battre ou pas, au-delà de la portée de tir? Il y a l'air en effet d'en avoir un ou deux qui sont à portée de tes tirs. Ouais, je pense que tout simplement je leur tirer dessus. Hein. Ok. Du coup, un ou deux points s'il te plaît. Ouais. On va voir si j'ai plus de chance cette fois. Alors. 65, j'ai fait 2 points moins. Donc okay. Non, malheureusement toujours. Donc tu tires encore une fois dans l'idée peut-être de les déconcentrer et... Ouais. Je commence à me demander si mon arme est vraiment... si mon masque, pardon, est vraiment efficace ou pas. Ouais, peut-être qu'en fait tu les imagines, peut-être qu'ils ne sont pas là. Ouais. En tout cas, vraiment là ou pas, tu sais que l'un d'entre eux a entendu le bruit des tirs et regarde maintenant dans ta direction. Je ne sais pas s'il t'a vu, mais il a attiré par dans ta direction. Eh bien, je vais tenter de me cacher dans l'un des buissons. Ok, un petit jet s'il te plaît de discrétion. Okay. Dans le but de vérifier mon masque et mon arme. 89. Waouh. Ok. Du coup, tu te remets un peu dans les buissons. Tu n'es pas vraiment sûr que tu sois vraiment bien caché ou peut-être que tu as fait vraiment bouger le buisson en t'y mettant dedans. Tu ne sais pas. Mais du coup, tu vérifies un peu tes affaires. Nous verrons bien si ça a été suffisant pour te mettre en sécurité. Ok. Qui et Marco, vous remarquez que du coup il y a toujours au moins un des gars qui est en train de foncer sur vous avec le hachoir, mais vous remarquez aussi que à l'arrière, derrière, certains des gars qui sont autour du kiosque sont en train de se gratter. Certains qui se sont même accroupis au sol, et qui pour se mettre à l'abri. Il semble que l'effet du gaz et la prêche de Jean-Baptiste ont l'air de faire bon ménage, et certains ont l'impression peut-être que le ciel est en train de leur tomber sur la tête. Mais en tout cas, beaucoup sont déconcentrés. Moi, clairement, je me suis... Depuis le début, en fait, je me suis désintéressé de tout ce qui se passe au niveau du kiosque. C'est principalement... je passe parti principalement dans la direction de Jean-Baptiste. Parce que j'ai bien senti qu'il était dans la merde. Hein. Je me désintéresse même du gars avec le hachoir. À partir du moment où j'ai tiré sur le gars qui courait sur Jean-Baptiste, moi j'ai loupé, donc j'ai continué à courir dans la direction et je vais retirer sur lui jusqu'à ce que j'arrive un jour à le toucher peut-être. Je vais te demander un jet du coup d'arme de poing encore une fois. Eh bien décidément j'arrive vraiment pas à tirer dessus, c'est compliqué. C'est peut-être le masque qui gêne à la perception. Ça ne doit pas aider, en effet, ça ne doit pas aider. Même si toi, tu es habitué à avoir un masque sur au moins la moitié de ton visage, naturellement. Ouais. Tu tires dans la direction, il y a toujours un coup de feu qui résonne, du coup, ça fait sûrement sursauter encore certains qui ont l'impression qu'un coup de tonnerre a sonné. Mais tu ne touches personne, rien du tout. Marco ? Alors, moi, du coup, je vais couper du gars qui... un choix, un bon vieux coup de fusil à pompe. Ok. Mais tu connais le G, un G du coup de d'armes à feu. Yes. Du coup, tu vises dans sa direction et tu tires. Cependant, peut-être que dans l'action, t'as mal visé ou un truc comme ça. En tout cas, il fait aussi un petit bond sur le côté. Peut-être, il a l'air d'avoir des bons réflexes. Normalement, ça ne devrait pas être suffisant pour éviter une arme comme un fusil à pompe, mais tu tires à côté. Juste, tu tires à côté. Tu vois, il sursaute cependant au tir. Il a l'impression d'être mort, mais après avoir vérifié qu'il n'est pas mort, il continue à avancer vers toi. Et cette fois-ci, il fonce vraiment. Il a accepté l'idée de la mort. Il fonce vers toi avec le hachoir. Et ça va être à lui. Et tu as de la chance. En effet, il fonce vers toi et il donne un espèce de grand coup de hachoir dans le vide. Cependant, t'as l'impression que peut-être que, au final, l'idée d'accepter la mort était pas tant enfoncée dans son esprit que ça, parce que au moment où tu repointes un peu le fusil vers lui, plus par réflexe pour te défendre que pour vraiment tirer, il recule un peu, il donne un coup de hachoir dans le vide juste devant ton nez et il ne t'a pas touché. Maintenant, ça va être le tour de quelqu'un d'autre. Vous entendez un coup de fusil sonner. Vous l'entendez tous. donc ce n'est pas l'un d'entre vous. Et pour ceux qui, sûrement Ruby peut-être, qui est celle qui est la moins à la tête dans le combat, elle peut apercevoir que Totem, le chef a priori, celui-là qui est recouvert de poils, recouvert d'un gros manteau, a l'air d'avoir sorti ce qui semble être un fusil de chasse. Et a l'air d'avoir tiré. Il n'a touché personne a priori, mais vous savez maintenant que l'un d'entre eux a une arme à feu. Nous allons retourner sur Jean-Baptiste. Ouais. Le type est toujours à côté de toi, du coup il est plus au-dessus de toi, il s'est un peu reculé, il a les mains sur la moitié du visage que tu lui as tailladé, et il est en train de hurler. C'est l'apocalypse, c'est l'apocalypse. Je me tâtonne quand même. Tu gueules du mieux que tu peux, tu vois que quand tu gueules, tu sens vraiment une douleur. T'as l'impression que vraiment la lance, elle a pas été placée n'importe où. T'as l'air quand même d'avoir été plantée assez efficacement. Tu n'as pas. Je regarde ici au niveau du thorax. Tu regardes, tu lèves un peu la. Enfin, tu mets la tête un peu pour te regarder, tu mets ta main et tu sens qu'il a l'air d'avoir été planté, en effet, au niveau de ton poumon droit. C'est mauvais. Je prends de la neige, je fous dessus. Ok, tu prends de la neige, tu la fous dessus. Tu t'es pas sûr de savoir si c'est vraiment toi qui réfléchis bien ou si c'est juste ton esprit un peu malade qui fait le mélange entre de la neige, un pansement ou de l'eau ou tu sais pas, mais en tout cas. Par contre, je l'enlève pas. Très bien, tu fous juste de la neige partout. Et le type qui est au-dessus de toi, du coup, a le temps de se ressaisir un peu. Ah oui, d'accord. Tu vois qu'il se ressaisit, il te regarde, il lâche sa main, il lâche son visage. Tu vois qu'il y a le visage tout rouge, il a presque des filets de sang qui coulent. Et tu vois qu'il se rapproche de toi, avec des yeux plus fous même que ceux qui t'ont accueilli quand t'es arrivé. Et il prend la lance qui est au-dessus de toi et il la retire. Qui est déjà un problème en soi. Maintenant, Ruby. Ok, de mon côté, en entendant les coups de feu un petit peu autour, je vais essayer de me glisser à l'intérieur des buissons, un petit peu faire le tour des branchages, profiter de l'obscurité pour me rapprocher du bruit du gars avec les coups de feu, essayer de me placer dans son dos et de lui tirer plusieurs balles dans le dos. Je vais te demander s'il te plaît un jet de discrétion pour te rapprocher du mieux que tu peux. Ok. 51 décidément. Ok. Je veux que je meure. Tu t'enfonces encore dans les buissons, t'essayes de faire le tour un peu cette mais espèce. Mais ça passe, pardon, attends pour moi, je suis désolé, j'ai 65 donc ça passe, j'ai pas fait gaffe. Je pensais que c'était tu fais de ton mieux du coup pour te déplacer un peu dans la périphérie de cette espèce d'espace ouvert autour du kiosque et. Deux choses, tu t'en rapproches assez suffisamment, mais tu remarques que le type que t'avais essayé de. Qui avait été attiré par tes coups de feu, a l'air cependant, lui, d'être toujours dans les parages, a l'air de suivre un peu tes mouvements. Il ne te voit pas, mais il semble les entendre ou quelque chose. Et il est pas loin de toi. Tu sais que si tu tires, pour même dans le dos du coup du fameux homme avec l'arme à feu, il te repérera forcément. Ok. Et il est, on va dire, à portée de pouvoir courir vers toi et de te porter un premier coup que tu fasses. Je pense que je vais quand même tenter le coup pour sauver mes camarades. Ok. Je vais du coup te demander un jet d'armes de poing. Ok, je me concentre et 32 sur 40, donc ça passe. Ok. Tu pointes ton arme vers le fameux totem avec son fusil de chasse. Et tu lui tires dans le dos, tu le vois qui lâche l'arme, qui tombe au sol, sûrement plus sous le choc que par le fait qu'il soit vraiment mort, tu es quasiment certaine de ne pas l'avoir touché à un endroit qui le tuerait immédiatement. Et t'en entends certains qui se mettent à hurler immédiatement, il semblerait que le simple fait que leur chef tombe au sol a l'air d'être une défaite totale. Tu ne sais pas encore si ça va être suffisant pour qu'ils abandonnent ou quoi que ce soit. Mais tu es sûr et certaine maintenant en reportant directement ta vue sur le type qui était pas loin de toi, qu'il t'a vu. Et tu le vois qui lui aussi, avec son espèce de branche taillée en lance, se jetait vers toi. Ça va être son tour. Et tu le vois qui fonce vers toi, qui prend sa lance et qui la jette en fait. Il ne s'approche même pas vraiment toi, il la jette vers toi et elle vient se planter devant toi. Pas en toi ou quoi que ce soit, tu as eu une certaine chance, mais elle est, genre, pour ainsi dire, entre tes jambes, on va dire. Bah, je la récupère et je le pointe avec. Ok, tu récupères, tu la pointes. Que veux-tu faire? Moi, j'en ai plus à aller, puis je me suis rapproché, évidemment, de Jean-Baptiste et de l'autre. Et du coup, t'es plus au corps à corps, là, à ce niveau-là. Ouais, bah, en gros, je vois la scène où le gars reprend la lance. Ouais. Et donc, du coup, je tire directement, pour tuer en une balle, quoi. Ok, je vais te demander un jet d'arme de poing, et il y aura un certain bonus quand même, parce que tu n'es vraiment pas loin, maintenant. Bah du coup j'avais déjà quelque part anticipé parce que je savais que j'allais le faire. Donc 18. Très bien. Du coup t'arrives bon. Tu sais que là cette fois-ci il n'y a aucun moyen que tu rates ou quoi que ce soit. T'as parfaitement préparé ta visée au fur et à mesure que t'avançais même. T'as adapté encore et encore et encore. Et tu, au moment où il vient de retirer la lance du torse de Jean-Baptiste, il tourne la tête vers toi en te voyant dans la périphérie de son regard, et c'est la dernière chose qu'il verra, car tu lui tires une balle dans le visage, il tombe en arrière, lâche sa lance, et semble être pris d'une espèce de spasme un peu de fin de vie, et meurt. Et du coup, moi, je reste dans l'élan de ma course, et je file directement voir l'état de mon pote Jean-Baptiste. Tu remarques évidemment qu'il a l'air d'avoir été transpercé, du coup. Voilà. Si jamais je vois que c'est trop tard pour lui, je l'égorge. Non, j'ai quoi. Je vois qui. On n'en fera rien. Non, évidemment, je fais point de pression. Enfin, tu sais, j'essaie de lui. Tu fais de ton mieux pour essayer de le garder en vie. Tu vois qu'il s'est recouvert de neige. Tu sais pas trop pourquoi, mais tu fais du mieux que tu peux. Voilà. Peut-être que ça sert un peu d'anesthésion avec le froid. Tu sais pas. Je fais un gros câlin à Pifes. Ah, tu vas me salir. Marco, toi du coup, t'es toujours un peu au corps à corps avec le type qui a essayé de te donner un coup de hachoir. Bon bah là, cette fois-ci, on essaye un bon vieux coup de fusil à pompe, toujours. Ouais. Écoute, très bien. Mais je vais te demander marche, encore. Qui marche, facile, j'espère. Et bah oui, puisque j'ai fait 2. Eh ben, très bien. Bah, t'es au corps à corps, donc en même temps. Si tu tires, tu pointes de nouveau l'arme vers lui. Il était encore prêt à donner un coup de hachoir. Tu tires, tu le fais sauter, en fait, directement. Tu le fais sauter en arrière et tu le vois qui, en fait, emporte un autre type avec lui, qui avait l'air d'avoir couru juste derrière lui. Entre temps, pendant que tu te battais avec lui un peu au corps à corps. Et les deux tombent au sol, se secouent un peu de spasme, mais ne bougent plus. T'en as tué 2 pour le prix d'un. Bravo, félicitations. Nous en étions donc, ils étaient 10, il y en a 2 qui sont morts, plus encore 2, plus 3, ouais, ils sont bien réduits maintenant. Et, vous remarquez que Totem, tel qu'il y regarde un peu dans la direction du kiosque, n'a pas l'air de s'être relevé. Et vous remarquez qu'un de ces hommes, en tout cas un de ses frères de la nuit, a récupéré son arme et la pointe maintenant vers un de ses camarades. Il a l'air d'être complètement en folie. Il a l'air d'être paniqué et il enclenche le mécanisme. L'un de ses amis, du coup, part en arrière, tombe au sol et ceux qui sont autour de lui se jettent sur lui. Il semble qu'il y ait quasiment presque plus d'attention posée sur vous. Ils sont en train de se battre entre eux pour récupérer le fusil. C'est à Jean-Baptiste, s'il peut ou veut faire quelque chose, t'es allongé, t'es à côté de Pi, tu me dis si tu veux faire quelque chose. J'essaye de me lever pour éviter. Enfin, me lever, non, mais tu sais, m'asseoir pour que le sang se découle pour éviter que ça reste et que ça noie mon poumon en fait. Et... Tu fais du mieux du. Tu fais du mieux. Je vais pas te demander de G pour ça en fait. Hein. Juste, tu fais du mieux que tu peux pour rester en vie. Et c'est ça. Ruby. Toi, du coup, t'as le type du coup qui était toujours face à toi, qui n'a plus sa lance, en effet, qui te fait face, mais cependant, tu vois qu'il va pour chercher à sa ceinture quelque chose. C'est caché un peu parmi ces logs. Tu ne sais pas si c'est une arme à feu. Tu penses que non, parce que sinon, pourquoi il aurait pris une lance? Mais il la cache peut-être. Pour lui jeter la lance dessus. Et ensuite, je dégaine mon pistolet et je pointe en fonction. Et j'agis en fonction de si je l'ai touché ou pas. Ok. Je vais te demander un jet de. On va dire agilité quand même, parce que c'est pas. Ouais. Alors, j'ai fait 79, c'est malheureusement un échec. Ok. Et du coup, tu lances la lance. Bon, t'as jamais lancé vraiment de lance dans ta vie. Du coup, en fait, t'as l'impression d'avoir bien lancé, mais elle part sur le côté et ça le heurte sur le côté, quoi. La lance ne le transperce pas. Il a juste un bout de bois qu'il tape, quoi. Il tombe au sol et tu vois que du coup il sort ce qui semble être une espèce de couteau de combat là aussi, ou en tout cas une espèce de grosse arme, peut-être un couteau de boucher, et se prépare à te toucher. Je vais te demander quand même ton jet de tir. Ok. Pour ton arme en fonction. 68, c'est un échec. Ok. C'est un échec et pour lui c'est une réussite. Donc tu pointes l'arme vers lui, mais il donne un espèce de grand coup de couteau dans ton arme en fait. Peut-être qu'il essayait de te viser à toi, mais ton mouvement t'a protégé. Et il te fait lâcher directement l'arme. Et il se prépare à te planter. Cependant, il va pas le faire immédiatement. Et ça va être le tour de Ti. Est-ce que tu souhaites faire quelque chose avec Jean-Baptiste ou retourner au combat? Alors, je prends mon téléphone comme une chèvre pour soigner les gens, bien évidemment. Et je vais appeler dans l'urgence le fameux gars qui bosse pour nous aujourd'hui, tu sais, qui, je sais plus comment il s'appelle là, le garde du corps, c'est pas le garde du corps, mais l'espèce de détective garde du corps hashtag Looney Royal, ouais, voilà, celui-là qui vous aviez demandé des informations sur, exactement. Et donc je l'appelle, est-ce que j'ai de la chance qu'il répond? Alors nous allons voir ça. Tu l'appelles, t'attends quelques secondes, tu te dis, là c'est bon, c'est la dernière seconde que j'attends, si ça marche pas, je me débrouille sans lui, et il répond. Il fait, allô ? Allô ? Est-ce que tu me remets ? Ouais. Le gars du bar, du bar, ouais, en Libye. Ouais. Ok, ouais, je sais quitter. J'ai besoin que tu fasses un truc pour moi, et bien sûr, t'inquiète pas, tu seras payé pour. J'ai besoin que tu ramènes le plus rapidement possible quelqu'un pour sauver mon collègue qui vient de se prendre une lance dans le bide, enfin dans le poumon, pardon. Où est-ce que vous êtes? On est au parc Robinson. Ok, je vous retrouve à l'entrée nord. Ok, ça marche. Je fais au plus vite. Bon, du coup, tu raccroches, ton action est ainsi faite. Marco. Okay. Du coup, Marco, pour te redire les choses, ils ont l'air plus de se battre pour l'arme maintenant qu'autre chose. Et ils ont l'air de se tenir un peu à distance de toi parce que t'as l'air de faire mouche. Oui, j'ai pas compris le début. Ils ont l'air de se battre un peu leur propre arme à feu, pour l'arme à feu du chef. Ils sont tous un peu attroupés les uns autour des autres. Ceux qui restent en tout cas. Bon bah, je tire dans le tas. Hein. Génial. Je vais du coup te demander encore une fois, un jet d'armes à feu. 84. Wow. Ok. Du coup, tu tires avec ton fusil à pompe, en profitant de la situation qu'ils soient tous réunis les uns autour des autres. Peut-être que t'as saisi l'opportunité un peu trop rapidement, parce que peut-être que t'as une distance un peu trop grande encore. Cependant, tu tires, tu vois que certains sont touchés, en effet, parce qu'il est difficile de rater une masse de gens accroupés les uns sur les autres. T'en touches forcément quelques-uns, mais tu sais que ce n'est pas mortel. Tu les entends hurler, t'en entends un ou deux hurler. Ils sont peut-être pas forcément handicapés, juste ils ont reçu un morceau de plomb ou quelque chose comme ça. Enfin, pas de plomb, de... Je sais pas comment on appelle ça pour un fusil à pompe, mais bref. Du plomb. Et ouais, ils se mettent à hurler, et tu envoies... Tu remarques que l'un d'entre eux, du coup, a en effet pu saisir l'arme, le fusil de chasse, se lève, la pointe dans ta direction, et... Tire, cependant, tu n'es pas touché. Tu n'entends même pas, en fait, les balles arriver à côté de toi, que ce soit, il a l'air d'avoir tiré complètement au hasard, il est sûrement même pas en état de viser. Et juste après avoir visé, un autre des types autour de lui saisit le fusil, le pointe vers lui, tire, sauf qu'il n'y a pas de balle. À cette idée-là, il lâche le fusil, se met à courir au loin, et les autres sont comme figés. Ils se regardent les uns les autres, il y en a certains qui te regardent à toi. Et t'en vois même un ou deux qui ont l'air de lever les mains en l'air. Je vais te demander, Marco, parce que tu as une certaine opportunité pour le moment, est-ce que tu souhaites faire quelque chose? Est-ce que tu souhaites tirer? Non. Non? Je vais m'approcher d'eux. Et je vais commencer à leur dire... je vais regarder un droit dans les yeux. Et je vais leur dire... Pas Marco va leur dire... Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les infâmes, ni les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine, les incrédules, les exécrables, tous, leur part sera dans les temps ardents de feu et dans le souffle qui est la mort seconde. Eh bien. Du coup, tu fais ton discours, tu vois qu'ils te regardent avec de grands yeux, ils sont pas seulement effrayés par ce que tu dis, pas seulement par ton arme, t'as l'impression que tout ce qu'ils ont respiré de produits de la part de Ruby a l'air de faire un effet, peut-être que pour eux, t'as la tête en flamme en train de faire ton grand discours sur eux. Et tu vois que du coup, ceux qui restaient, en tout cas deux autres de ceux qui restaient, se lèvent, partent en courant, il en reste un seul qui est allongé au sol, qui se recroqueville en boule. Il semblerait que vous ayez gagné. Je vais juste vous poser une question. Pour ceux qui sont encore en état de se lever, est-ce que vous voulez abattre ceux qui restent encore sur place et qui sont allongés ou qui sont blessés, ou est-ce que vous vous occupez juste de fouiller la zone maintenant ou pas? Bon, déjà, il est où le chef? Le chef est au sol. Il a l'air d'être mort ou... Mais maintenant, en y jetant un petit coup d'œil, il n'est pas vraiment mort. Il est juste allongé au sol, il ne bouge pas, mais tu vois qu'il respire avec une balle dans le dos. Enfin, il a un trou dans le dos, quoi. Ok. Si je le retourne, il est capable de me parler ou pas? Tu le retournes. Et tu vois qu'il crache un petit peu de sang en se retournant. Il a l'air de pas avoir apprécié le mouvement. Il est... bien dans le mal. Il te regarde droit dans les yeux et il a l'air d'être dans l'attente de sa mort. Tu as volé Melo. Je veux tout. Il crache encore un peu de sang et il fait... Je connais pas. Le Serbe, tu l'as volé. Tu vois qu'il penche un peu la tête sur le côté, lui qui est allongé sur le sol, et il a l'air de montrer un peu vers ce qui semblait être son trône de valise. Mais il ne dit pas plus, il crache encore un peu de sang. Brave bête. Et puis là, on coup de petit fusil à pompe dans la tête. Très bien. Je te demande même pas le jet, tu lui fais exploser la tête. L'autre type qui était juste à côté, qui était roulé en boule, le dernier qui était resté sur place, qui n'était pas parti se cacher dans la forêt, il sursaute encore et il se fait recouvrir un peu de sang et il te regarde avec des yeux. Là, t'en es quasiment certain, dans sa vue, t'es un espèce d'ange de la mort, t'as sûrement des ailes squelettiques qui s'ouvrent autour de lui, autour de toi. Et genre juste, il se reforme en boule, il va se cacher dans une espèce de sac de couchage et tu vois le sac de... couchage tremblait comme si c'était comme s'il était sur vibreur quoi. Ok. Marco va se tourner un peu vers le lac et puis il va examiner le parc et on les. Vous tous, si jamais vous touchez encore une fois à propriété de Melo. Ou de n'importe qui. De Marianne Abbey, la punition divine sera parfaite. Tu as ta voix qui écho à travers le parc. Il n'y a pas de réponse qui se fait, mais tu es sûr et certain d'avoir été entendu. J'imagine que toi et Ruby vous rapprochez un peu, récupérer les valises. Pour toi, Ruby, le gars qui te menaçait a fini par foutre le camp en fait dès qu'il a entendu un autre coup de fusil à pompe et qu'il s'est retourné pour voir qu'il y avait quasiment plus personne sur place. Il t'a complètement laissé. Je ne sais pas si t'en as profité pour le tuer, à toi de me le dire. Je pense pas, non, je pense que je l'ai laissé derrière Pierre. Ok. Il s'est donc complètement enfui. Vous vous êtes retrouvé avec Marco, vous avez récupéré les valises. Tandis que Pi a amené Jean-Baptiste à l'entrée nord, à laquelle il a été récupéré par Loni Royal, qui est arrivé avec sa voiture efficace. Ça a l'air d'être un go fast un peu, ce Loni Royal. On va pouvoir s'en servir. Et il a amené, il t'a dit simplement, je l'amène à la clinique Leslie Tompkins. Okay. Et il est parti, à toute vitesse. D'accord. Bon, entre temps, j'ai quand même envoyé un message aux deux autres pour leur dire que j'ai été déposé, Jean-Baptiste pour le faire soigner, mais que j'arrive, attendez-moi, j'arrive. Donc, forcément, il me voit arriver avec du sang sur moi au bout d'un moment et je vous explique un petit peu tout ce qui s'est passé parce que bon j'imagine que dans tout ça vous n'avez pas forcément prêté attention à tout ce qui s'est passé du côté de Jean-Baptiste puisqu'on était un petit peu excentré je vous explique qu'il a été emmené par notre ami le convoyeur, on va l'appeler comme ça, à la clinique tu m'as dit. La clinique Tompkins. Clinique Tompkins. Alors grave, je pense. C'était urgent qu'il l'emmène. Il s'est fait perforer, je pense, un poumon. Mais bon, avec un peu de chance. Risque, mais bon, faudrait pas que ça se reproduise trop souvent. Ouais. Peut-être. Il est devenu soldat. Il sortit plus fort. Oui, et puis avec un peu de chance, avec toute l'amphétamine qu'il a pris, ça va le faire tenir un petit peu jusque-là. Bon. C'est bon pour vous ? Maintenant. Vous avez récupéré tout ça ? Oui, mais il y avait un truc. Bon, en vrai, on n'a jamais demandé à Milo ce qu'il avait été volé. Donc... je sais pas si tout est arrivé. Est-ce qu'on ouvre les mallettes ou pas? On peut prendre tout dans le doute, on prend tout, on décale tout, et on verra ça. Est-ce qu'on verra ça au Harlebi? Oui, au Harlebi. Ah, je serais pourquoi pas aller directement au Kremlin Club. Ah, moi je ferais bien une petite étape juste pour vérifier. Attention. Vous avez pas dit que c'est des cannibales? Oui. On va peut-être poser une flamme avant d'aller au Kremlin Club. Je suis même pas au courant, tant pour moi, je fais, c'est du... Parce que l'autre est dans les vapes, donc il nous l'a pas dit. Bah oui, c'est du méta là que tu nous fais là. Ouais, là c'est du méta. Mais de quoi tu veux qu'on aille Marco directement au Kremlin Club? Non, on va poser les armes d'abord. Ouais, je pense aussi. Et puis en même temps, il y a rien qui. Enfin, ils sauront jamais que c'est nous qui avons ouvert les trucs, on pourra toujours dire que c'est eux. C'est ça. Allez. C'est parti. Bon, on y va, hein. On rentre. Vous faites donc un petit détour par le Hour Alibi, où vous planquez vos armes, vous déposez ce que vous avez, et du coup, est-ce que vous regardez les valises ou non? Bah ouais, je pense. Déjà, est-ce que c'est dans l'arrière forcé ou pas? Pardon. Non, ce sont juste des valises qui se déclipent, quoi, juste. Oui, bon, on ouvre alors. Oui, on ouvre. On se met dans l'arrière-salle, histoire qu'il n'y ait pas personne qui puisse voir. Ouais, on la met au centre et puis bon, je pense qu'on laisse. Vous ouvrez donc, une fois à l'arrière-salle, vous ouvrez la première valise, elle a l'air complètement vide. C'est juste vide, vous vérifiez s'il n'y a pas de faux fond ou quoi que ce soit, ça ne tombe jamais. Elle est vide. Vous ouvrez la seconde, il y a l'air d'avoir des habits un peu sales, un nounours. Pas de faux fond non plus. Vous ouvrez la troisième, vous avez des habits, là aussi, un peu sales aussi, peut-être qu'ils ont été utilisés, rangés un peu en boule de manière dégueulasse, des morceaux de journaux et tout ça, et vous tombez sur ce qui semble être des boîtier DVD qui n'ont pas de couverture ou que ce soit dedans. Vous, on voit directement le CD à l'intérieur. Moi, je pense pas des boîtiers CD, des CD plus que DVD, mais voilà. De Jean-Baptiste. Mais j'en ai installé des ordinateurs, vous pouvez les utiliser. Ah, c'est des CD. Ouais, ce sont des CD. Ok. Bon. Bah, alors, il vaut mieux vérifier ce que c'est avant de donner. Ça se trouve, c'est de la merde. Regardons. Ça se trouve, c'est juste des films. Bah oui. Moi, je propose, au contraire. On referme, on ramène trois mallettes, les trois là. On dit, nous être professionnels, pas voir ouvrir. Dites-nous ça, qui à vous, puis moi. Et tu veux pas regarder ce qu'il y a dessus? Mais si, il faut regarder. Bah, c'est-à-dire que moi, je connais pas. J'ai pas envie. Vas-y, regarde, allez, je prends le truc et je le mets direct dans le... ce que j'ai envie de vous dire, on regarde ça sur un ordinateur qui est pas branché à Internet. Comme ça, on est vraiment... Mais vas-y. Moi, je le prends et poum, le premier PC qui passe, je lance le bordel. Sûr que Jean-Baptiste, il nous a appris à utiliser On sait utiliser un ordinateur. Genre, tu vas mettre un DVD dedans, c'est pas censé. Parce que si vous venez me voir à l'hôpital pour me dire comment on fait pour mettre un CD dans mon ordi, je pense que je prends la piqûre à côté de moi, je me fous la double dose de morphine et je vous laisse tranquille. Non, mais vas-y, je le mets dedans, je démarre tout. Du coup, le premier PC, sûrement que Jean-Baptiste vous a laissé un petit PC d'accès où il n'y a pas ses mots de passe compliqués ou que ce soit, au cas où. Ouais. Donc vous enfoncez ça dans un de ces petits PC qu'il a prévu pour ça, et un fichier s'ouvre. Ça semble être une collection de fichiers vidéo. Ils sont tous avec des noms de fichiers random, vous savez, avec des nombres et des lettres, etc., un peu au hasard. Bah, j'en mets un au pif. Vous en mettez un au pif et vous êtes face à ce qui semble être une vidéo filmée par une caméra de sécurité qui a l'air presque d'être cachée, en fait. Vous voyez de gauche à droite des livres comme si c'était caché dans une bibliothèque. Et vous voyez sur un lit un des hommes politiques bien en vue de Gotham en train, a priori, de faire ses affaires avec quelqu'un qui ne semble pas être sa femme. Ok, donc très vite, je cerne de quoi c'est, de ce que c'est. Je fais une copie de l'entièreté du disque. Bon, tu fais copier-coller, tu le balances. Ouais, je me dis, ça peut nous servir un jour, on sait jamais. Voilà. Je fais aussi une copie. Alors, pas des copies de toutes les vidéos. Tu fais copier-coller tout ce qu'il y a sur le CD, tu le balances sur l'ordinateur, tu retires le CD, tu le remets dans sa boîte, et hop. Et on remet tout dans les valises, comme c'était à peu près. Et ok, let's go. Mais ce que j'avais dit, c'est des films. Voilà. Ouais, c'est des films au cours de premier temps de personnes très connues. Mmh. Heureusement que moi je suis à l'hosto, sinon j'aurais tout diffusé sur Internet. Ah non, il faut pas, il faut garder. C'est une boîte secrète, ça. C'est... Moi, du coup, ça un jour. On y va, Kremlin Club. C'est ça. Vous rendez donc au Kremlin Club, donc dans le fameux quartier. Des gangs slaves unis. Voilà, si vous l'avez remarqué, vous ai mis une petite carte plus détaillée d'Arkham City dernièrement dans la partie des cartes. Oui. Vous avez un peu la séparation des territoires. Vous rendez donc sur place, toujours un peu la même ambiance que vous connaissez du Kremlin Club, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens, ça a l'air vraiment d'être le repère numéro 1 du quartier. Et vous avez pas mal de gens qui jouent à des jeux de cartes ou qui boivent. Il y en a même certains qui ont à manger. Et en vous voyant arriver, vous avez le barman, le chef d'établissement, qui vous fait juste un petit mouvement de tête pour vous saluer et qui fait un autre mouvement de tête à son assistant qui vient directement vous ouvrir la porte pour aller à l'arrière. Ok. Alors, je vais vous demander d'attendre un peu parce que ce manque d'ambiance me tue un peu à l'intérieur. Ouais, ils aiment bien la musique de fond, ambiance extérieure dans le Kremlin Club. Bon, j'ai pas ouais. Encore de trucs pour le Kremlin Club, mais voilà. C'est la top 5 des autoroutes de Roumanie. Oh, il n'y aura pas de musique d'art encore. Perso, c'est ce que j'ai proposé aux autres. Comme on a trois valises, on est trois, on a chacun une valise. Je disais que la bonne valise, puisqu'on sait laquelle est la bonne, je l'ai donnée à Marco. Mmh. Voilà. Moi, je prends la vide. Ok. Vous passez donc à l'arrière, vous traversez un peu le couloir dans lequel d'habitude il y a un gars qui vous arrête. Cette fois-ci, il est juste assis sur une chaise et il vous laisse passer sans même vous parler ou quoi que ce soit. Il vous jette juste un petit coup d'œil et hop. Vous rentrez dans la fameuse pièce dans laquelle vous êtes rentré il n'y a pas si longtemps que ça. Toujours cette espèce de pièce qui sent le renfermé, qui sent comme si quelqu'un avait fumé dedans pendant des années et des années. Vous vous sentez déjà presque déjà avec le cancer des poumons rien qu'en rentrant. Et vous avez Milo qui est en train de jouer aux cartes avec deux autres types que vous connaissez pas mais qui vous regardent un peu puis qui retournent à leur jeu. Milo, en vous voyant arriver, tout simplement, il pose ses cartes sur la table à l'envers pour pas les montrer. Il fait signe aux deux gars qui sont avec lui de quitter la pièce, donc ils vous passent à côté et ils s'en vont. Et il vous fait signe de la main, il fait venez, venez. Et pour les bouches, Milo. Vous avez ce qu'il me faut ? Oui. On a. Plus de problème. Je pose ma valise devant lui. Robinson Pack, plus de problème. Tu peux faire passer par le truc là en bois. Ok. Puis on a trouvé trois valises. Toi nous. Dire laquelle est bonne, nous, enfin, lesquelles ou je sais pas quoi, tu fais ce que tu me dis, enfin voilà. De toute manière, c'est celle-ci qu'il me faut. Il montre directement, du coup, celle que toi tu tiens, Marco. Hop, parfait. Tiens. Il prend la valise dans ses mains, il l'ouvre, il ne l'ouvre pas directement devant vous, mais il l'ouvre face à lui, il regarde, il fouille un peu, il regarde, il referme et il fait parfait. Tout va bien ? Tout va bien. Il claque un peu des doigts et vous entendez un type qui rentre directement dans la pièce parmi une autre porte. Il vient, il récupère la valise et il se barre sans même vous regarder. Milo, lui, reste assis. Il vous regarde un peu dans les yeux avec un air un peu bien satisfait. Vous voyez qu'il a l'air vraiment d'apprécier ce service que vous lui rendez. Et il vous dit, bon, j'ai promis des choses, alors posez vos questions. J'en aurais une, mais qui n'a rien à voir plus par rapport à la mission. Je me dis, comment des pouilleux comme eux ont-ils fait pour te voler ces mallettes? Ils ont été rencardés? Quelqu'un les a mis sur le coup? Ça, je sais pas encore. Je sais pas encore. Mais si c'est le cas, c'est sûrement ces enfoirés d'Ukrainiens. Ouais, probablement. Quoi qu'il en soit, ça peut être aussi une attaque au hasard. Ouais. Le parc, vous y avez été, vous savez ce que c'est. Ouais, bien sûr. Vous voyez qu'il il se verse une petite boisson et il sort des verres et vous dit, vous en voulez ? Non. Il vous verse, pour ceux qui sont d'accord, il verse dans des verres, il vous les pose devant lui. Et il a l'air d'être dans l'attente, du coup, des questions que vous voulez bien lui poser. Bon. J'ai plus souvenir exact de ce que j'avais demandé, mais dernière fois, donc on parlait de lieutenant de The Whale, l'Ukrainien là. Boka. Mm-hmm. Yeah. On posait question, je crois, pour savoir si d'après toi, lui faisait zèle par rapport à nous, ou si c'est, ben, tu vois, si c'était dans prérogative à lui d'aller sur notre territoire ou quoi, ou si jamais peut-être il travaille. Valiant bis bis perso, tu vois, et que The Whale, pas forcément courant. Ou si c'était... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Est-ce qu'il cache des trucs? Est-ce que toi, tu as des choses sur lui? Ah, je sais des choses. Je peux pas dire exactement sur sur votre affaire à vous, sur qui a commandé qui vient de vous embêter, qui vient de vous faire chier, mais je sais que Voka, avant il travaillait pour le pingouin, je l'ai déjà dit. Et quand il travaillait pour le pingouin, il était connu pour être gourmand. Il prenait beaucoup de place dans l'organisation. Et quand le pingouin est mort, ça a été une chance pour Voka, parce qu'il y avait beaucoup de bruit de couloir qui disait que l'oiseau, il voulait se débarrasser de lui, parce qu'il prenait trop de place, parce qu'il commence à faire des choses de son côté. Ça, The Whale, il est au courant, mais il pensait, peut-être qu'il pensait ça changerait, en tout cas, il a gardé Voka. Et Voka, il n'a pas l'air d'avoir changé. Je fais pas trop affaire avec lui, c'est surtout avec les Ukrainiens qui travaillent. Mais, de ce que j'en ai vu, si j'étais The Whale, ça ferait longtemps que je me serais débarrassé de lui. Ok. Quoi ou comment on peut savoir ça? C'est-à-dire que... Où est-ce que je dois aller? Avec appareil photo. Si jamais tu peux pas me dire exactement. Vous pouvez essayer d'aller voir à Bloodhaven. C'est la petite ville à côté de Gotham. Là où The Whale. Il commande tout. Si vous posez des questions là-bas, peut-être que les hommes de The Whale qui sont plus proches de lui pourront savoir si c'était un ordre de venir vous voir. Mis à part ça. Voka c'est un caniche quand il n'a pas des ordres. Quand c'est lui qui le fait de son côté, c'est un caniche. Si ça marche pas, il sait très bien qu'il faut vite se rétracter. Sinon, ça risque de faire du bruit. Moi, je conseille d'être des hommes et d'aller le voir, d'aller lui tenir tête un peu, voir comment il réagit. La solution A ou B, c'est comme vous voulez. Ouais, donc clairement, ça vient pas. Enfin, il fait ça pour sa gueule. Et en gros, si on arrive à lui faire comprendre que c'est pas dans son intérêt de nous casser les couilles, il va se rétracter. En gros, que c'est trop gros pour lui. Ah, c'est vrai que c'est. Et si vous voulez le trouver, il est pas à Arkham. Il est au Iceberg Lounge. Iceberg Lounge. Ah, je sais pas dire. Okay. Mais le club de l'oiseau avant. Ah, je pense que ça peut être une bonne chose d'aller le voir chez lui. Et lui dire que nous aussi, on peut venir le voir s'il y a un souci et qu'il n'est pas le seul à faire ce qu'il veut dans la ville. Enfin, en gros, il peut pas choisir de... faire ce qu'il veut, quoi. En plus, prochainement, on a livraison. Il faut qu'on aille récupérer ça avant. D'accord. Il sera plus coopératif. En tout cas, merci du renseignement et sachez que même si je suis pas du quartier, on sera toujours disponible si vous avez du boulot. Vous avez vu oui, qu'on oui. est compétent. Non mais justement. Moi je suis pas là pour dire au revoir directement. Moi je veux pointer une chose. The Whale, il casse les couilles. Regarde. Si tu prends l'idée, tout le monde, Arkham City, si jamais prend contrôle du territoire autour de nous, il coupe tout le monde. Les Slaves, les Noirs, les Arabes, les Mexicains, tout ça, on est coupé par lui. Lui, il va faire contrôle de tout Arkham City. Si jamais on se laisse faire. Bientôt, il n'y a plus bis-bis. Bientôt, on va faire. Elle est poussée, il n'y aura plus sortie, il n'y aura, aura plus rien du tout. Moi, je dis carte table. Si jamais. Moi, je suis rien, je suis honnête. Moi, mon bar, j'ai quatre pétoirs, j'ai quatre collègues, c'est tout. Mais moi, je peux te dire une chose. Si jamais on fait en sorte de virer au moins vos cas, je sais pas quoi, si tu veux, on peut faire en sorte que notre business pas menacé et que si jamais je pars pas de commencer à garder gang, mais à un moment, il faut pas faire en sorte que si jamais notre territoire là, autour de chez nous, c'est The Well, ou son Voka, ou Gnab, enfin, qui prend contrôle, c'est fini. Donc, on est trompé partout. Neutre. Y a plus, voilà. Ce sera la guerre de toute façon, parce que après, une fois qu'il aura ça, il va rouler sur tout le monde. Donc maintenant, il faut réfléchir collectif. Moi je dis, je reviendrai te voir, Milo. Et je te promets que je sais que même si c'est pas facile, je serai capable de dire d'aller voir les Arabes, les Mexicains, les Noirs. Et je suis sûr que si jamais on fait tous ensemble travail collectif, on peut faire en sorte que la zone du milieu reste neutre au minimum. Parce que si jamais elle tombe dans les mains de The Well, c'est fini. C'est plus Arkham City, c'est Well, c'est The Well, Well. C'est la, le voilà, c'est sa ville. Je veux bien que t'essaies. C'est ta raison, ce que tu dis. S'il prend autour de chez vous, il prend tout. Mais j'y crois pas. Je crois pas que tu pourras faire travailler les gars avec les Arabes ou avec les Mexicains ou avec qui que ce soit. Ça fait des années que c'est comme ça dans le quartier, même avant que ce soit Arkham City, même quand c'était juste East End. C'était comme ça déjà. Tu peux essayer, mais on ne s'engagera à rien si on n'est pas sûr. Et c'est pas moi qui commande de toute manière. Je suis le plus haut auquel vous pouvez parler, mais je suis pas le plus haut. Bien non sûr. Mais de toute façon, je pense qu'il faut que le Our Alibi soit tout, enfin, comme il a toujours été, une place neutre où on peut se rencontrer pour parler business, quel que soit le gang auquel on appartient, à partir du moment où on respecte l'endroit. C'est pas un problème. Exactement. Ça, c'est nos ambitions, rien de plus. Nous, on n'est pas là pour renverser je sais pas quoi, non. Maintenant, tu l'as dit toi-même, tu en as conscience. Et même tu dis ça toujours qu'il était comme ça, tout ça. Mais lorsque le gros chat vient dans la cale du navire, je te dis que les rats, ils peuvent, plutôt que de prendre la tangente, faire business collectif et bouffer le gros chat. Enfin, pas vraiment, mais nous, on va dire qu'on peut. Ok? Voilà. Donc, moi, je te dis juste, je suis rien, mais. N'hésite pas à parler ça à ton chef et dire que nous on est prêt à défendre l'intégrité physique de notre indépendance. Donc maintenant, voilà. Ça ne dérange pas plus. Merci beaucoup, Milo, pour ton service. Et comme dit Edouard avant, nous, être disposés à travailler toujours avec vous. Ça se fera bien vite. Je laisse une petite carte avec le téléphone, genre un téléphone du Arolibi, mais genre c'est pas le téléphone que tu utilises quand ça appelle direct, c'est derrière quoi. D'accord. Ah, vous avez deux lignes. C'est ça, on a une ligne normale et la ligne boulot. Oui. Bah, il prend la carte. Dernière chose, Milo. Est-ce que tu sais où est-ce que je peux trouver Radija dans cette putain de ville? Parce que pour le moment, Lehman Brothers, Il finance, enfin, il fait, il donne l'agneau. Enfin, j'achète l'agneau, mais on peut voir ça. Et moi, je dis, pas possible d'avoir un bar, tenir pas moi, pas voir Radija. Je veux Radija. Où est-ce que je trouve Radija? Alors, Radija, c'est compliqué. Il faut le réseau pour le faire venir jusqu'ici. Et pour l'instant, on n'a pas accès à, on n'a pas accès à la mer. C'est les Ukrainiens qui s'en occupent. C'est pour ça qu'on est, même s'ils sont avec The Whale, on continue à travailler avec eux. C'est eux qui amènent l'agneau pour le Kremlin Club. Putain, d'accord. Alors, tu peux aller les voir. Et pour le moment, ils sont pas. C'est pas ouvert la guerre entre vous. Voilà. Mais y a pas à voir. Y a pas à voir Yougovienne ou quoi? Un petit peu. Il doit y en avoir. Un peu, oui, mais. Pour Arkham City, c'est compliqué. Ok. Bon, en tout cas, si jamais tu croises Yougovienne, tu donnes carte, ok? On cherche des gens aussi. Je ferai. $14 de l'heure. Bien payé. Savoir faire congé, mic, assurance dentaire pour. Enfin, médical. Bref, t'as compris. Allez. Salut, Muro. À bientôt. Ah, mutuelle, putain. C'est ça le mot. En sortant de la porte, en fermant la porte. Mutuelle, mutuelle, assurance dentaire. Vous quittez donc les lieux assez satisfait de vous. Vous me direz si vous êtes assez satisfait aussi des informations qu'il a partagées avec vous. Et je vais simplement vous demander, du coup, une fois que vous êtes réunis au War Alibi, c'est votre occasion de discuter un peu, de voir si vous pouvez vous mettre d'accord sur quelle sera la suite des événements. Et ensuite, on s'arrêtera. Bah perso, je pense que comme l'a dit Milo, moi j'ai une idée. Il faut prendre le taureau par les cornes et finalement peut-être aller voir directement dans le club où se situe le gars pour qu'on mette les choses au clair, quoi, en sachant qu'on a quand même réussi à savoir où il était. Et lui dire de but en blanc, voilà, c'est le alibi est intouchable et que tant que ça viendra pas de The Whale lui-même, et bien que on sera pas propre à négocier quoi que ce soit. Enfin, ça, c'est mon avis. Justement, le problème, alors moi je propose le jour où eux revenir. Nous, allez voir Vuka. Tu vois quoi je veux dire? Limite avant que eux partent. Ou je sais pas, enfin bref. Le jour où ils sont censés revenir, on va aller voir directement. Mais après, regarde comment on fait. Comment est-ce qu'on est là en mode. Enfin, c'est ça. Oui, c'est... un peu en mode surprise. Motherfucker, je suis là. Genre, avant, au moment où ils vont pour monter dans les voitures, genre, ils sortent du bar, on est devant. Genre, Oui. Allez, salut. On vient voir vos cas. Quoi? Ok, pourquoi pas. Qu'est-ce que t'en penses, Ruby? Ouais, ça me pourrait pas être une mauvaise idée. Bon, après, je pense que... On peut toujours faire le trust-test. Stratégie Blood Event, tout ça, mais bref. Non, je pense qu'il faut, faire comme il nous l'a dit, comme nous l'a dit Milo. Je pense qu'il a l'habitude de gérer ce genre de choses. Il connaît le quartier, il connaît le bonhomme. Autant montrer que on est capable de se montrer. Et puis, comme il a dit, si on fait du grabuge, forcément The Whale il va être au courant et il va. Ça peut le dissuader, parce que si ça fait du bruit, c'est pas bon pour The Whale. Surtout si c'est pas lui qui l'a demandé. Donc, Je crois que j'ai trouvé solution au problème. Dis-nous tout, Marco. Faut exploser le bar de l'autre. Ah non, ça c'est plan B. C'est plan B. Plan A. Nous revoir Vuka. Mais nous, être fiers et rester véritablement des hommes d'honneur. d'heure et dire que nous pas nous abaisser, mais nous proposer de travailler, tu vois. Tu comprends mon la subtilité. Non, ça on lui a déjà proposé. Non, travailler avec lui. Comment ça, travailler avec lui? Nous, les voir avocat. T'as entendu? Lui, Milo, il nous a dit. Ils auront déjà. C'est... Ils ont peur. Ils ont... les... ils ont... trop de choses. Nous travaillons avec Zoval. Non, avec Voka. Mais justement, que faire nous? S'il faut faire la bête dauphin, bon, on essaye de garder honneur intact. Mais s'il faut faire un peu bête docile, on fait bête docile. Sauf que nous, notre côté, on enquête. On accumule les preuves. Et une fois qu'on a tout, on ramène à The Well. Et la schlac. Moi perso, je suis pas chaud. J'ai déjà été un arbin. Ça m'a déjà suffi une fois. Si j'ai la tronche que j'ai aujourd'hui, c'est à cause de ça. Moi clairement, je suis l'arbin de personne. Et même si c'est pour... comme en quoi, c'est une bonne idée ce que tu dis, mais pour moi c'est fini. Je suis plus l'arbin de quelqu'un. Après, on peut faire des petits boulots pour eux, mais en freelance, c'est-à-dire indépendant. Si on veut, on fait. Si on veut pas, on fait pas. Mais parce que je sais, j'ai un grand honneur, tu le sais, j'ai une grande fierté, mais honnêtement. Je sais pas combien ils sont, enfin, on est complètement entouré, tu vois. Donc, c'est sûr qu'en termes d'influence, c'est pas si. Enfin, il faut garder, comme tu dis, objectif, indépendance, freelance et de travailler de nous-mêmes. Mais je pense que ça peut être compliqué. Enfin, voilà, on décide de tenir ligne de fer là-dessus et de pas céder d'un pouce, quoi. Mais. Et de. Personne, je pense, pour essayer d'accumuler les preuves. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Personnellement, je pense qu'il faut faire. On sera d'autant plus crédible si on bosse pour personne en tant que tel et que tout le monde pourra venir nous voir en sachant que on est indépendant. De toute façon, The Whale s'en fout de nous. Comme il a dit Milo, le Hour Alibi, ça représente rien pour lui. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est l'indépendance du Hour Alibi, c'est pas l'indépendance du quartier. Le quartier, il peut être à qui il veut, je m'en fous. Tant que le Hour Alibi est indépendant du reste. Non. Non, mais le quartier, de toute façon, le quartier, on le possède pas. Il est pas à nous. Nous, on a un putain de bar. Que non. Mais t'as compris, c'est qui eux venir? Venir pour soumettre nous, pour avancer leur pion dans leur quartier. Mais non, mais ils veulent juste un Hour Alibi. Ils veulent le quartier, c'est pas Hour Alibi. Détends-toi, c'est pas notre quartier. On n'a qu'une propriété, on n'a même pas un appartement et une location. Super, on est personne. Non, mais écoute, faut être intransigeant. Je pense. On tient ligne de fer face à avocat, mais on propose association. Mais du coup, on travaille enfin, voilà. Je sais pas. Ça mérite réflexion, mais moi personnellement, je. Il l'arbin de personne. Et je ferai pas, prétendrai pas être pour une pseudo truc, être l'arbin d'un autre parce que ça marchera pas avec moi. Voilà, c'est tout. Désolé. Ouais, je sais pas. Moi, ça me dérangerait pas d'être entre guillemets le larbin quelques temps, le temps de trouver notre place. Maintenant, si jamais on veut se la jouer freelance, il va falloir qu'on ait du poids. Oui. Mmh. qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir poids? Bah, il faut grossir, faire de l'oseille, acheter peut-être ne serait-ce que déjà l'établissement en entier, le bâtiment entier, grandir dans le quartier. T'es vraiment gentil, toi. Je te rappelle que eux viennent nous péter la gueule dans 2 jours. Mais non, on l'a dit, ce qu'il fait, c'est de la merde. Milo te l'a dit lui-même. Ce qu'il fait, c'est de la merde. Il met la pression alors qu'il a pas à le faire. Donc soit on est des bons hommes et on y va. On lui dit tu vas te faire foutre. Nous on nous achète pas. On bosse pour personne. On est freelance. Et si ça te plaît pas, on en parle avec The Whale lui-même. Oui, mais tu comprends que si jamais moi je viens voir quelqu'un dans son bar à lui, je sais pas, je vais pas forcément me ramener avec AK-47 ou on prend un bar d'assaut comme tu veux. Non, tu peux parler, on peut y aller tranquillement en étant sûr de nous. Bah, c'est ce que j'ai dit alors, ligne de fer. Ouais, ligne de fer, oui, mais on va pas se coucher devant lui, je bosserai pas pour lui. J'ai dit ça au début parce que j'étais pas seul de nos fois. D'accord. Je rappelle, il est autour de nous. Hein. C'est pas. Il contrôle le quartier, lui. Hein. Comme tu dis, nous, on contrôle pas le quartier. Lui, il contrôle 3 quartiers. 4, non, c'est The Whale qui contrôle. C'est pas lui. Mais Milo, mais. Mais Milo, c'est un caniche. Boca. Il t'a dit, c'est un caniche. Boca, c'est le larbin de. Pardon, Boca, c'est le larbin de The Whale. C'est un parmi tant d'autres. Il est pas. Mm-hmm. Il est pas. C'est pas The Whale, c'est The Whale qui contrôle les quartiers, c'est pas Boca. Bien sûr, mais c'est ton lieutenant. Et c'est lui qui gère les quartiers. Bref. Bon, on tourne en rond. Ouais. On va voir Boca avec honneur et fierté. Et on dit non à la soumission, oui au business freelance. We'll be right back.